Le plan d'aujourd'hui à assemblage recul. On vous apprendra quelques façons de mieux vivre dans la chronique Les Instructions d'assemblage. Et moi, je vais vous renseigner sur les finances personnelles et qu'est-ce que c'est l'orthosomnie dans ta nièce Gonna Entertainer. Plus que 12 émissions. Assemblage Rocky commence tout de suite. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 9 avril 2018. On est à 18 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Hey, il fait soleil ce matin! Ah oui, c'est le fun, ça! Ça dit genre moins 10, moins 11, mais quand même. Ouais, c'est ça, c'est le côté négatif un peu. On est bien, je trouve. On est très bien. Genre. Oui, quand même. Ouais, ouais. C'est risqué, hein, on s'entend. Hein, il est assez temps que ça devienne vraiment le printemps, là, s'il vous plaît. Hein? C'est drôle comment notre session universitaire, l'année scolaire est tellement drôlement bâtie. On anime à la radio tous les matins où il y a de la neige, finalement. Oui, oui, parce que le temps chaud, là, il est comme très, très au début de la saison septembre, octobre, puis à la toute fin avril. Exact. C'est d'une toute beauté. Mais comme on l'a dit, 18 jours avant la fin de la session, 12 émissions, ça veut dire 3 semaines, et ces 3 semaines-là vont être bien remplies, comme toujours, sauf aujourd'hui, où nos chroniqueurs ne sont pas avec nous. Ben ouais, c'est... c'est classique pour le lundi. Hein. Les matins se suivent et se ressemblent pas mal, je vous dirais, ces temps-ci. C'est ça, il y a des matins pires que d'autres, et le lundi, ben c'est pas mal le pire. Hein? Ouais. Donc, on n'aura pas d'invité. Par contre, toi, ta chronique s'en vient aujourd'hui. Je regarde ça et c'est comme trois fois, trois sujets. Ben non, mais ben écoute, j'avais trois sujets si jamais on avait besoin de trois sujets. Ouais, tu ouais c'est ça. Mettons deux, mettons. Ouais, ouais, ouais. Ou trois, ou ouais. Un. On verra. Non, mettons. Mais deux, là. Lundi, en temps normal, c'est deux. Ouais, c'est ça. De quoi tu me parles aujourd'hui? Bien, comme on l'a dit au début de l'émission, je vais vous parler un peu de finances personnelles. La semaine dernière, notre nouveau chroniqueur, mais bref, chroniqueur de finances... Trois semaines. Philippe Fournier. Ouais. Nous a parlé un peu de finances personnelles et ça m'a lancé à la librairie, tout ça. Alors, je vais vous parler justement de peut-être certains livres que vous pourriez lire qui sont bons pour vous, pour vos finances personnelles. Et je vais aussi essayer de démystifier un petit peu c'est quoi l'orthosomnie. Parce que c'est pas un terme qu'on entend très, très souvent. Et c'est pas ortho comme on s'attendrait, O-R-T-H-O, là, c'est une autre chose. H-O-R-T-O. Oui, exactement. C'est un petit trouble que sûrement, Mathieu, tu vas être content d'entendre parler. Ah, OK. Ben, quand même, t'es donc bien intrigante aujourd'hui. Ah! Comme toujours. Comme toujours. C'est les lundis matin. On est là pour se divertir l'un l'autre. Hein? Plus tard dans l'émission, moi, je vais vous faire après le crime en toute fin d'émission et on aura les instructions d'assemblage en quelque part là-dedans. Mais on va commencer avec son foutu palmarès. Et aujourd'hui, je parle de bac à glace. Ah! Bon, merveilleux. Eh bien. Mais on commence avec Fanny Bloom. Voici sa pièce Liqueur, tout de suite. Assemblage Rocky! Je t'invite dans ma maison. Fanny Bloom et Liqueur en ce lundi matin. Ça me rend curieux à savoir si le reste de l'album est aussi plate. Écoute, j'osais pas le dire, c'est doux. Faut se poser la question. Disons ça comme ça. C'est parfait pour 7h10, ça, c'est parfait, tu sais. Exact. Faut pas avoir de brûlement à l'estomac avec cette liqueur. Non, faut faire attention. Maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa la chronique, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Vous l'aurez deviné. On fait ça tous les matins. Fait qu'à un moment donné, abusez-vous. Hein. On commence aujourd'hui, en fait, avec une liste sur les bacs à glace. Ben oui. Ouais, bac à glace, ça me rend curieux un petit peu parce que j'ai vu passer cet article-là. Puis là, je regardais mon bac à glace qui est tellement le fun. Tu sais, c'est le petit bac avec une porte de plastique pour que tu puisses mettre de l'eau pour pas que ça tombe de tous les côtés. Là. Mm-hmm. Je me disais, qu'est-ce que je préfère de plus avec mon bac à glace que simplement faire de la glace? Hey boy, c'est ma question, ça. Ben oui, c'est tellement utile dans la cuisine, ça rend plein de choses plus faciles. Pour commencer, en faisant des petites pocs de détergent à lave-vaisselle avec votre bac à glace. Quand même. Donc, on peut ajouter du plein d'ingrédients. C'est deux tasses de bicarbonate de soude. Oui. Hein? Deux tasses de borax, qui apparemment se trouve quand même assez facilement. Il y en a sur Amazon. Une demi-tasse de sel d'Epsom, qu'on met dans le bain absolument. Mm-hmm. Une demi-tasse de vinaigre. Et de 15 à 20 gouttes d'huile de citron, huile essentielle de citron. Et ça fait des petites rondelles à la vaisselle. Ensuite, vous pourriez faire congeler des fleurs. Ah, d'accord. Pour le printemps ou pour l'été, pour sortir ça sur le patio avec ta petite boisson dans la main, t'aurais une fleur dans ta boisson. Cute quand même. Mm-hmm. C'est juste pour la décoration, pour le goût que tu donnes un petit peu. Ensuite, utilisez votre bac à glace pour faire des sushis. OK. Ben oui, un petit hack pour ceux qui n'ont pas trop de dextérité pour faire les sushis habituellement. Il y a une petite recette sur assemblagerequis.com pour faire des sushis directement dans un bac à glace en mettant le riz, le poisson et les autres ingrédients dans un ordre précis. Et ça vous fait des sushis en forme de bac et en forme de glace. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai pensé à le faire, mais finalement, hier, j'ai juste bu le reste. De faire geler du vin. Ah, ben oui. Il me reste tout le temps un petit fond dans ma bouteille de vin. Hier, je l'ai calé quasiment. Mm-hmm. Bref, il reste pas souvent de vin quand on en boit, mais s'il vous en reste, vous pourriez les faire congeler pour faire de la cuisine plus tard. Pour papoter avec des cubes de glace. Quand même. Ensuite, continuons. Toujours avec des choses qu'on pourrait faire avec nos bacs à glace. Organisez vos petits trucs pour faire du bricolage. Mm-hmm. Peut-être vos petits sprinkles, vos petites billes de quelque chose. Si vous êtes du genre à faire du bricolage, du scrapbooking, vous pourriez utiliser un bac à glace pour faire ça. Même chose pour les bijoux. Une solution pour ceux qui veulent empêcher leurs bijoux de se mêler les uns les autres. Oui. Collier, boucle d'oreille, peu importe, dans un bac à glace. Faire vos propres crayons de cire. Le lien est encore une fois sur assemblagerequis.com. Ouais. Il faut un bac à glace qui passe au micro-ondes. Par contre, si vous avez plusieurs crayons de cire brisés ou des bouts, des retailles de crayons de cire, vous pouvez les faire fondre dans votre bac à glace et faire des crayons de cire qui vont être en forme de cube. Ah, ben oui. Ouais, hein. Ensuite, on pourrait utiliser ça pour faire de la peinture, pourquoi pas? Donc, mettez vos fonds de peinture, vos gouaches ou peu importe, dans le fond de votre bac à glace et amusez-vous sur du papier. Hein? Ah, celui-là, je l'aime aussi, autant que le vin de tantôt, c'est de faire des cubes de café. Est-ce que t'aimes les cafés froids, cappuccino glacé, trucs comme ça? Oui, quand même, ouais. Il faut prendre de la glace normalement pour faire ça. Ben, si votre glace est faite à partir de café, ça va être très froid, mais en même temps, vous n'allez pas diluer votre goût. Mm-hmm. C'est fort quand même parce que la glace vient habituellement quand même finir par fondre d'ici à la... ce que vous avez terminé votre café glacé habituellement. Ensuite, faire des cubes de chocolat glacé. Parfait pour faire du lait au chocolat. Ben oui. Hein? Donc, ou ajouter ça à votre café aussi pour faire un café mocha ou même rajouter peut-être du Bailey's, un verre de Bailey's, pardon, votre cube de chocolat ou de lait au chocolat. Très bonne idée. Ensuite, vous pourriez fabriquer des cubes de citron pour votre... Ben, évidemment, c'est pas tout le monde qui a ça, hein? Juste les riches, votre chute à déchets. Votre broyeur à déchets. Hein? OK. Donc, ceux qui ont ça dans leur cuisine, les riches, hein? Un broyeur à déchets dans le... Les riches. Non, mais est-ce que tu connais quelqu'un dans ta vie qui a un broyeur à déchets? Mes parents ont déjà eu un broyeur à déchets. Et qui d'autre? Plusieurs personnes. Ah, oui, toi, oui. Tu parles au fond du lavabo? Oui, c'est ça. Que tu appuies sur un bouton, puis les déchets vont... Ben, à un moment, tout le monde avait ça. Je sais pas. Ben oui. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, oh, ouais? Jamais. À part à la télé, dans les trucs américains. Non, moi, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu ça. Ah. D'ailleurs, Batman, la femme chat, dans un... Je pense que c'est le film de Tim Burton. OK. Où elle a justement un broyeur déchets dans son lavabo. Oh, wow, OK. Je pensais dire qu'elle s'était faite broyer par... Ah non, elle passe des toutous dedans, tu te souviens pas? Non. Oh, ah, ouais. Ah, oui. Boy. Ah, ouais. Bref, c'est ça, c'est du citron et du vinaigre. C'est parfait pour empêcher à ce que ça sente mauvais. Mm-hmm. On fait geler les deux ensemble et on lance les cubes dans le broyeur à déchets quand on en a besoin. Ensuite, on peut se faire des s'mores directement dans le bac à glace. Mm-hmm. Très bonne idée quand même. Ici, à la place de prendre des biscuits Graham, on prend de la pâte. On met la pâte dans le bac. On y va avec le doigt pour lui faire prendre la forme finalement du bac. On ajoute guimauve, chocolat et on passe ça. J'imagine qu'il doit falloir celui en silicone comme bac à glace, mais on passe ça, j'imagine, au four. Ça fait comme des genres de petits. Des gnocchi. Gnocchi. Oui. Mais s'mores. Ensuite, toujours dans les façons originales quand même d'utiliser un bac à glace, vous pourriez faire du bouillon de bœuf qui va servir comme bonbon pour votre chien. OK. Ouais, donc du bouillon de bœuf ainsi qu'un petit os à chien qu'on fait congeler et ça va lui faire comme un genre de popsicle froid pour le rafraîchir l'été. Vous pourriez faire congeler votre saveur de yogourt préféré. Encore une fois, pour ajouter à vos boissons, hein, dans un verre de lait même, ça pourrait être parfait. Ou juste dans la bouche, parce que ça fait un excellent popsicle. Mm-hmm. Vous pourriez montrer des... c'est quoi celui-là? Ouais, pas sûr celui-là. C'est pour faire du bricolage et afficher ça sur le frigo. Donc, des petites figurines dans le bac à glace à la verticale. Bac à glace qui aurait été peint d'une couleur ou d'une autre. Pas sûr celui-là. Ensuite, vous pourriez, tiens, vous en servir comme rack pour tenir vos papiers collants si vous faites du bricolage aussi. C'est des petites roulettes de papiers collants de différentes couleurs pour faire du scrapbooking. Okay. La roulette serait à l'intérieur du bac à glace et le papier collant irait sortir du côté. Et là, ben, ça pourrait vous servir comme rack pour votre papier collant. T'sais. Ensuite, ouais. Pas sûr. Ensuite, on pourrait s'en servir pour faire des garnitures pour votre drink, hein, mais avec des petits bonbons surette. Ah, OK. Parfait pour les adultes, parfait pour les enfants aussi. Vous pourriez tremper vos gommies dans de la... ce serait de faire congeler les gommies dans de l'eau. Et après ça, quand vous sortez votre vodka, mm-hmm. vous venez tremper votre glace avec le petit verre qui sort par le cube de glace. OK. Ça fait super cute et ça fait délicieux. Dans la bouche. Mm-hmm. On pourrait faire geler ensuite de la pâte à biscuits pour pouvoir faire des biscuits quand vous en avez envie. Ah ah! Tu sais, quand on se prend des biscuits Pillsbury, quelque chose comme ça, et les portions sont pas pré-coupées. Mm-hmm. Alors que dans un bac à glace, ben, les portions sont déjà pré-évaluées. Vous avez juste à les sacrer dans le four et ça vous fait des biscuits quand vous en avez envie. Vous pourriez faire des bouchées de gâteau au fromage couvertes de chocolat. Ah! Dans vos, OK. Ouais, ça ressemble un petit peu à des... C'est quoi le truc avec une cerise dedans, là? Le chocolat avec une cerise. Ah, dedans. Mon Dieu! Cherry blossom! Ouais, cherry blossom. Ça ressemble un petit peu à ça, sauf qu'à la place, ben, c'est une framboise avec tout ce qu'il y a de gâteau au fromage autour et du chocolat à l'extérieur. Ça a l'air délicieux. Vous pourriez faire geler vos restants de sauce dans le congélateur. Cube qu'on va pouvoir ensuite faire réchauffer quand on a besoin de sauce rapidement pour faire des pâtes. Tu pourrais te sortir 3, 4, 5, 6 cubes pour une portion de pâte. Ça mm-hmm. va bien? Ben oui. Ça. Pas fou, pas en tête, ça? Ensuite, vous pourriez faire congeler vos œufs en trop. Les œufs durent pas si longtemps que ça en tant que tel, mais on peut les faire geler dans le congélateur après les avoir ouverts et j'imagine directement. Ouais, c'est ça, on casse l'œuf directement dans le bac à glace. J'imagine qu'on le brasse après ça. Hein? Ben, après sûrement. Ça, ouais, c'est ça. Puis après ça, quand tu veux faire des œufs, ben, ils sont déjà dans ton bac à glace, tu les fous directement dans la poêle. Mm-hmm. Vous pourriez faire congeler des herbes et de l'huile pour avoir des bombes de saveur. Si vous voulez ajouter ça à un ragoût, à une sauce, quelque chose comme ça, parfait pour les soirs où t'as pas assez de temps pour faire à souper, tes petits cubes sont déjà dans ton bac à glace avec des herbes au fond, de l'huile. C'est-tu de l'huile? Oui, c'est ça. De l'huile par-dessus. Ça congèle et quand t'en as besoin, tu le sacs dans le chaudron et ça fond. Hmm. C'est extraordinaire. Ensuite de ça, tiens, on a un autre petit bonbon, une petite friandise pour vos chiens. Cet été, on suggère de faire des pops à l'eau et au beurre d'arachide. Parfait pour votre chien qui veut un petit peu de rafraîchissement cet été. Donc, on voit que ça a l'air de se faire quand même relativement bien. Elle met du beurre d'arachide directement dans l'eau, dans le bac à glace. Ensuite, vous pourriez faire... ça, on a déjà pas mal fait, celui-là. Et ça se répète un petit peu. Répète. Hein? Prochaine mm-hmm. page, prochaine page. On pourrait faire... on pourrait faire du terreau, si on veut, pour vos fleurs. Ah, pour votre jardin. Donc, apparemment, une très bonne idée. On a l'idée de percer des trous en bas du bac à glace, mettre de la terre et des graines à l'intérieur du bac. Et on met ça dans le jardin, j'imagine. Hein? Oui. Et puis, ça va faire pousser des fleurs à exactement la bonne distance. Fleurs ou épices, des trucs comme ça. Mm-hmm. Continuons avec des cubes de glace au céleri qui sont parfaits pour faire des Bloody Marys. Que vous soyez fan ou non de ce drink-là, vous pourriez faire d'autres choses avec. Vous pourriez utiliser ça pour faire des tranches de concombre congelées aussi pour différentes occasions. Vous pourriez faire congeler aussi de l'aloe vera, de l'aloès, donc pour vous soulager de vos brûlements, de vos coups de soleil l'été. Donc, vous prenez une bouteille d'aloès et puis vous squirtez ça dans votre bac à glace. Et quand vous avez mal en quelque part, vous avez juste à vous frotter avec. Mm-hmm. Ensuite, vous pourriez faire des shooters de Jell-O dans des cubes de glace aussi. Un classique pour les parties. Hein? Mm-hmm. Des Jell-O shots dans un bac à glace. Mm-hmm. Pas tant sûr, pas tant sûr. Et finalement, vous pourriez faire des petites bombes pour faire fondre dans votre douche des huiles essentielles. Donc, créez vos propres bombes pour le bain, mais pour la douche à la place, en utilisant des cubes de glace, un bac à glace en fait, avec de l'eucalyptus, de l'huile essentielle. Et puis, ça va vous faire des bombes que vous allez pouvoir laisser tomber dans la douche. Et quand l'eau chaude va venir dessus ou dans le coin avec la vapeur, ça va faire sortir les huiles essentielles, ça va vous rafraîchir, vous allez sentir bon, ça va être parfait. Cool, ça, des choses à faire avec votre bac à glace que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mm-hmm. Le lien est sur assemblagerequis.com. On s'en va entendre Super Organism. Tiens, je l'aime bien cette pièce. La voici Everybody Wants to be Famous. Assemblage Requis. Feeling like a boss and staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think it could be. Aujourd'hui. Chérie avec hurler à la lune, assemblage requis. C'est ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est ce qu'on a fait en se levant, je pense, ce matin. Oh boy! Ouais, c'est ça. Ça ressemble à hurler à la lune, ça. Mm-hmm. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do the she's gonna do the. Tania, aujourd'hui, on parle un mot, en fait, d'un sujet dont j'ai même pas une petite idée de quoi ça pourrait avoir l'air. Tu sais, des fois, tu peux comme faire des suppositions, des théories. Ouais. Mais là, j'en ai aucune idée. Mordu, c'est... On va essayer. OK. Orthosomnie. Oui. H-O-R-T-O et non pas O-R-T-H-O. Okay? Ouais. Donc c'est ortho comme dans peut-être horticulture, somnie comme dans de l'insomnie, fait que tu t'es pas capable de dormir parce que tu vas faire du jardinage, ça? Ah boy, t'es pas loin, parce que oui, ça a le rapport avec le sommeil. OK. Ça n'a pas rapport avec l'horticulture. Par contre, Mathieu, c'est un nouveau trouble du sommeil qui se fait connaître de plus en plus, surtout depuis les dernières années, parce qu'on pourrait être atteint sans le savoir. Et je sais que t'es du genre à utiliser une application de sommeil. Oui, j'adore ça. T'adores ça. Qui analyse mon sommeil, oui. Exactement. Si, par exemple, on regarde, il y a plusieurs personnes qui, justement, pour trouver le sommeil, vont essayer de privilégier des méthodes naturelles ou encore oublier de tout simplement s'en faire par rapport au sommeil. Mmh. Mais pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, on va aller utiliser des applications qui vont permettre de traquer, justement, notre cycle du sommeil. Ça pourrait bien être la source du problème, mon cher Mathieu. Parce que serait donc, je penserais trop à mon application, ça m'empêcherait de bien dormir. Mais ça ressemble un peu à ça. En fait, il y a une étude américaine qui a été faite et la conclusion s'est vue être distribuée dans plusieurs magazines journalistiques scientifiques. Mm-hmm. Donc, par exemple, Journal of Clinical Sleep Medicine qui a été publié vers la fin 2017. Par la suite, The Independent a été vraiment très intéressé par la chose. On a analysé encore une fois cette étude-là et les résultats sont arrivés au même. Donc, l'orthosomnie, c'est un nouveau trouble qui atteint certaines personnes qui, justement, mesurent leur sommeil avec des applications ou des appareils qui sont spéciaux. Parce que, bon, on sait, il n'y a pas juste les applications. Parfois, il y a des montres. Parfois, il y a des lunettes. Des trucs que tu peux installer sur ton matelas avec une petite exactement, bande, des oreillers. Bon, tout ça pour dire que les applications en question, par exemple, Sleep Cycle ou Sleep Better, c'est parmi tant d'autres. Mais on peut prendre la forme de montre connectée, comme je le disais, ou encore déconnecté, tout simplement pas l'avoir autour de nous, mais tout près de nous lorsqu'on dort. Et on a répondu à plusieurs questions. C'est-à-dire, repas tardif, heure de réveil voulue, l'heure du sommeil qu'on aimerait avoir, donc le temps de sommeil qu'on aimerait avoir, et l'utilisateur pose son appareil à côté du lit. Oui. Pendant la nuit, le dispositif va surveiller les mouvements de la personne qui dort et ça va dresser un espèce de compte-rendu de son activité du sommeil, soit profond ou léger. Tu nous en as déjà parlé. Absolument, c'est soit par le microphone, si tu le mets sur ta table, il y a différentes fonctionnalités, tu peux l'avoir par micro et d'autres par le mouvement du téléphone sur ton lit. Moi, c'est le mode que je préfère, même si on dit de ne pas mettre ton téléphone dans ton lit au cas où que. Ouais. Moi, c'est ma méthode qui, je trouve, fonctionne le mieux. OK. Fait que je continue de le faire. Et par la suite, rendu le matin, eh bien là, il y a un verdict. Est-ce qu'on a passé une bonne nuit de sommeil? Est-ce qu'on a été dans une phase profonde? Est-ce qu'on a été vraiment très léger tout au long de la soirée ou de la nuit? Il y a un nombre croissant quand même de patients qui cherchent justement un traitement après s'être auto-diagnostiqué des troubles de sommeil, comme par exemple l'insomnie ou la durée de leur nuit, parce que certaines personnes pensent qu'ils ne dorment tout simplement pas assez. Donc, l'étude qui a été menée par le docteur américain Kelly Glaser Barron, on a tout simplement observé ces gens-là et on est devenu obsédé par la nuit parfaite. Donc, ces patients-là ont oublié d'écouter leur corps naturel. On veut battre notre corps ou notre cœur. Exactement. Avec, par exemple, l'application Sleep Better, eh bien, il y a une jeune fille qui a participé à l'étude, qui est étudiante en ressources humaines à Lyon, qui pensait trouver un compagnon idéal pour justement se lever en pleine forme tous les matins. On a trouvé ça super cool au début. On avait l'impression de mieux se réveiller. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a eu l'impression d'être complètement conditionnée par une machine. Ouais. Réveiller un quart d'heure plus tôt tous les matins parce que le logiciel estime que c'est le bon moment pour te réveiller. Donc, c'est une option qui est possible d'annuler, surtout vers la version payante de l'application, là, si jamais vous utilisez ça. Par la suite, elle a réalisé quand même assez rapidement que l'impact sur son quotidien est devenu négatif. Négatif? Oui. On est venu à redouter, en fait, de ne pas dormir chez soi parce qu'à chaque fois qu'on cochait la case « Je ne dors pas dans mon lit », l'application disait qu'elle allait avoir du mal à dormir le lendemain. Ben voyons donc. OK, peut-être qu'elle n'a pas la bonne application. c'est une application qui est très, très connue. En fait. C'est pas la seule à l'utiliser. Donc, passer une nuit chez une copine ou chez un copain, ça devenait quand même une véritable appréhension. On avait comme un petit peu de difficulté à trouver les soirs qu'on pouvait justement se le permettre. Et c'était stressant de trop quantifier notre sommeil. 2 mois plus tard, elle a supprimé l'application de son téléphone et elle voit... Et on dit que de passer une soirée à l'extérieur, c'est plus nécessairement comme une difficulté à sa vie normale. Parce que bon, si par exemple, tu sors, t'as du fun avec tes amis et qu'en temps normal, t'es censé dormir, eh bien si l'application est ouverte, elle va te dire que t'es censé dormir. Hey boy, okay, excuse-moi d'être aussi, cynique là-dedans, mais le problème, c'est pas l'application, c'est la personne qui a une personnalité qui est pas capable de juste vivre. Je lis cette application-là depuis, genre, probablement 4 ans. Mm-hmm. Je dors beaucoup mieux avec cette application-là, quand même, parce que, je dors mieux. En fait, je dors pas mieux. Je dors de la même façon. Exactement. De la même façon. C'est juste que le matin, je me réveille puis je me rends compte, OK, j'ai mal dormi ou j'ai bien dormi. Ma vie est pas basée sur l'application. Je la trouve juste cool. Non, faut pas que tu bases ta vie sur l'application. Mais elle a dit, si je vais sortir à quelque part, mon application me dit que je suis supposé dormir. Tu fuck l'application à ce temps-là. Mais oui, mais c'est sûr. Mais c'est sûr qu'après ça, tu vas y penser. Ouais, mais c'est plus le problème. Le restant de ta soirée, tu vas dire, ouais, j'aurais peut-être dû rester couché. Tu sais, demain, je vais avoir de la difficulté à dormir. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal d'avoir des périodes de sa vie où on va moins bien dormir. C'est ça. Une fois par année, souvent, pendant une période, j'ai de la misère à dormir. Ça arrive à tout le monde, ça. Oui, tout à fait. Donc, on va s'habituer, en fait, à voir débarquer des patients qui vont souffrir d'orthosomnie dans des cabinets de médecins parce que les symptômes, on les reconnaît depuis plusieurs années et on préfère parler de comportements d'anxiété que de troubles du sommeil. Ah, voilà. C'est des personnes qui sont en hyper-contrôle, donc des gens qui sont habitués de contrôler leur vie, qui sont accros à la performance et qui utilisent généralement d'autres applications pour, par exemple, mesurer leur pas, mesurer leur tension. Sur nos téléphones, on a tous une application de santé. La plupart du temps, ces gens-là vont passer beaucoup de temps dans ces options-là. Pour le sommeil, c'est complètement contradictoire, en fait, parce qu'il s'agit de lâcher prise. Lorsqu'on décide de dormir, on dit à notre cerveau, en fait, qu'il faut tout simplement arrêter de penser, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Donc, on finit par dérégler notre cycle à force d'essayer de le contrôler après une ou, par exemple, deux mauvaises nuits. Si on est suspect parfois pour un trouble qui est plus sérieux, comme par exemple l'apnée du sommeil, eh bien, ça arrive d'envoyer des patients, par exemple, dans un centre du sommeil, mais les résultats reviennent bien souvent négatifs. Est-ce que pour différencier l'orthosomnie, l'anxiété générée et par un contrôle excessif du sommeil ou encore un véritable trouble du sommeil, bien il y a des pistes quand même qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes tout simplement ancré là, sur votre temps de sommeil ou sur votre vie au grand complet en force de contrôle excessif. Donc, il faut se poser trois questions. Est-ce que je m'endors en moins de 20 minutes? Est-ce que je me réveille plus d'une fois par nuit? Est-ce que je suis en forme durant la journée? Si on répond oui à une de ces questions et que c'est récurrent, alors il faut consulter un spécialiste. Ou encore pas allumer l'émission du matin à 7 heures. Oui, aussi. Ou se coucher plus tôt. Donc, si on regarde les gens qui sont qui étudient le sommeil et tout ça, on appelle ça des sophrologues. Donc, on conseille de se reconnecter à son corps. Ce qui peut se passer par plusieurs techniques de respiration. Il y a des patients, par exemple, d'orthosomnie qui vont aimer suivre leurs propres règles. Alors, on va donner des exercices de cohérence cardiaque rigoureux à pratiquer le matin, le midi et le soir. C'est très simple. En fait, il s'agit tout simplement d'inspirer pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes, et le tout sur 3 minutes. C'est pas très, très compliqué. Si vous avez un petit 3 minutes, ça se fait quand même assez bien rapidement. Et heureusement, bien, il y a des patients qui développent de l'orthosomnie qui guérissent assez facilement de ces fameux nouveaux troubles, là, parce qu'on n'avait pas ces troubles-là avant. On n'avait pas de façon de pouvoir observer notre sommeil aussi fréquemment que ça. Alors, on va tout simplement avoir quelques séances de sophrologie dans un centre du sommeil et ça va revenir exactement à la même chose. On va utiliser beaucoup, encore une fois, là, la respiration. On va aussi analyser votre sommeil. Et bon, on s'entend, on ne déconseille pas formellement l'usage des applications. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles n'ont jamais été validées scientifiquement parlant. Donc, ce qui est important, c'est de faire la différence. Est-ce que tu veux vraiment te fier à ça, comme si tu te fierais, par exemple, à un médecin? C'est peut-être pas nécessairement la bonne chose à faire. Il faut prouver que les divisions du monde médical à ce sujet-là sont quand même assez efficaces. Et pour le moment, il n'y a aucun médecin qui s'est prononcé sur les applications du sommeil. Donc, on utilise les données du détecteur de mouvement du téléphone ou encore le micro, comme tu l'as dit. Et on aimerait pouvoir, par exemple, prescrire une application magique qui aide vraiment à mieux dormir, mais ça n'existe pas encore. Donc, on doit se fier un petit peu à soi ces applications-là ou tout simplement revenir au bon vieux respire et tu vas t'endormir. Ouais. Tu vois, moi, j'ai tendance à utiliser l'application de sommeil dans le sens contraire de ce qu'on a l'air d'avoir dit dans cet article-là, où les gens s'en servent pour mieux dormir. Moi, c'est plus le contraire. L'application me dit si j'ai bien dormi. Elle n'est pas là pour m'aider à mieux dormir, tu comprends? C'est comme le contraire. Ouais, mais parce que tu sais que tu dors mal. Ben, c'est sûr. Sauf que ça va me dire pourquoi je dors mal. Mais je vais pas nécessairement changer grand-chose. Ben, ça veut dire pourquoi? Parce que tu vas avoir bougé dans le lit, dans le fond. Exactement. Mais de bouger dans le lit, c'est normal aussi. Oui, mais c'est ça. C'est que justement, c'est que, mettons, la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu de la misère à m'endormir. Je me suis pas endormi avant. Et je me suis couché à peu près à minuit et demi. Je me suis endormi vers les 2h45, 3h. Je suis allé directement en sommeil profond. Je me suis réveillé à 5h du matin. Puis je me suis rendormi sommeil profond jusqu'à la fin de ma nuit à 9h44. C'est comme ça que je sais que la nuit, il y a quelque chose qui s'est passé, que je me suis réveillé, mais ça ne me dit pas quoi. Fait que je suis pas plus avancé. Mais est-ce que ton téléphone voit, par exemple, un mouvement comme un réveil? Pas à mon expérience, je pense pas. Parce que je pense pas que c'est juste ça. C'est une question de probablement une durée de mouvement. Probablement, il y a peut-être même des sons en plus du mouvement. Okay. Je sais pas parce que j'ai pas. Ok, pas fait que quelqu'un qui parle en son sommeil, automatiquement, l'application va détecter qu'elle est réveillée. Il va peut-être te dire que ton sommeil est pas aussi profond. Parce que peut-être que dans un sommeil profond, tu parlerais pas dans ton sommeil. Je sais pas, je connais absolument rien. Ouais, je suis pas ça. Sophrologue, mais je sais pas. J'utilise plus, comme je dis, à rebours, comme hier soir, ma nuit était comment, que. Mais te sens-tu genre tout le temps en train d'analyser tes nuits? Non. Ah. Ben, oui, le lendemain matin, ouais. je les analyse, mais pas le soir d'avant, puis je me dis pas, OK, bon, mais pour que mon application me donne un score de 95%. Non, pas le soir d'avant, mais le lendemain, automatiquement, tu veux savoir comment t'as dormi. Ben, ça le pop-up sans nécessairement quand juste y penser naturellement. Ouais. J'ai-tu bien dormi? Ah oui, j'ai bien dormi. Mais ce qui est le fun, c'est... Mais si tu vas voir ton application, puis ça te dit que ça t'a réveillé 5 fois, ouais. Tu vas dire, ouais, finalement, j'ai pas si bien dormi que ça. Ça se peut que je le fasse. Donc, ça joue sur ton mental pareil. Un peu... J'ai pas l'impression, parce que ce qui est le fun, c'est que t'as comme une fenêtre de réveil, comme disons, tu marques, moi je marque 5h20 pour me réveiller, mm-hmm. Il va pouvoir commencer à me réveiller, je crois que c'est à 4h50, je pense une demi-heure avant. Et il va absolument te réveiller pour 5h20, absolument, avec des sons de plus en plus forts. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'il détecte à savoir si t'es dans un sommeil profond, donc que t'as pas bougé depuis un certain moment. Mm-hmm. Et puis il peut t'envoyer un signal très subtil, comme des vibrations au début. Okay. Pour essayer de te réveiller naturellement. Fait que j'ai tout le temps l'impression que je me réveille du bon pied. Je me suis pas vraiment levé du mauvais pied depuis que j'utilise cette application-là. J'ai eu des journées de marde quand même, mais ça c'est à cause de d'autres choses. Ouais. Le matin, quand je me lève, je me sens en forme tous les jours. OK. C'est pour ça que j'aime ça, sinon j'arrêterais de m'en servir. Là. Parce que j'ai pas besoin de savoir combien de pourcentage que j'ai eu hier. T'sais, mais je comprends ceux qui ont un petit côté compétitif, qui veulent tout le temps battre leur score. Mais qui vont, oui et non, parce que tu sais, en même temps, le sommeil, c'est du sommeil. Là, mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui, j'imagine, étudie, un étudiant qui veut absolument que sa nuit soit optimale, ouais, pour, par exemple, un examen, bien, ça se peut très bien que tu vires quand même assez fou avec ça. Est-ce que tu serais capable de plus utiliser ton application? Oui. OK. Oui, c'est ça. Ben, j'ai pas une personnalité qui devient accro ou dépendante. Ceux okay, qui ont ouais, une personnalité ça. Comme ça, peut-être que ça pourrait faire ça. Mais tu sais, il y a d'autres... Il y a des façons d'utiliser ça justement pour mieux dormir. Par mm-hmm. exemple, bon, tu vas avoir des petits sons, des musiques pour t'endormir, ouais, des trucs comme ça. Je pense qu'il y en a qui font justement de la respiration profonde dans l'application. Mais en tant que tel, sans l'application, tu serais capable de le faire toi-même. C'est oui, juste c'est clair. C'est juste un incitatif, peut-être, plus. Mais c'est ça, il y en a qui prennent des incitatifs comme des défis. T'sais. En tout cas. Bref, c'est intéressant tout ça. Ben oui. Merci Tania. Ben ça fait plaisir. L'orthosomnie, H-O-R-T-O-S-O-M-N-I-E. Voilà. On écoute, ah, tiens, on a de la place pour une musique. Oh oh oh, je m'attendais pas à ce qu'on ait une place pour de la musique. Alors, voici de la musique. Est-ce qu'on a une chanson qui a rapport avec le sommeil? Oui. Oh, oh, oh. Voici Dilarama avec les yeux fermés à son âge. Jusqu'à demain matin, si ensuite tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas perdu espoir. Redis-moi de ces choses qu'on ne dit que dans le noir. Bon courir, tu finis toujours chez moi. Le ciel peut s'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. Je garde ton secret, silence. Les yeux fermés. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés. Une fois la nuit. Dilarama avec les yeux fermés. Ah, son large requis, hein? Donne envie de retourner se coucher, ça? Maintenant, c'est le blague des palmarès, c'est fou. Ah oui, c'est le moment de se rendre à un autre négligé palmarès et fou, ceux dont tout le monde se fiche. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on retourne en arrière pour aller entendre des pièces qui proviennent d'une semaine dans l'histoire de la station, dans le bloc qu'on surnomme affectueusement. C'était fou. Voici, on recule à la rétrospective des palmarès de 2016. Yeah.

c'était le bloc C'était fou pour l'année 2016. Donc la rétrospective des palmarès, c'est fou 89,1 FM, c'est fou 89.1 FM, Charts of the Year 2016. Exactement. On entend, ça nous fait rire ça. Ben oui, ben pour oui. Rien, pour rien. On n'a pas le choix de rire. C'est Caroline, hein? Il faut en rire. Hey. Numéro 1 francophone, c'était le ski avec Dans la neige, un single qui était numéro 1 en janvier 2016, donc à la fin de 2015, pardon. Oui. Et le numéro 1 anglophone qu'on vient d'entendre, c'était Opeth avec Will-O-The-Wisp sur l'album Sorceress qui était numéro 1 en octobre-novembre 2016. Ça, c'est, Caroline, ça veut dire qu'on a, depuis le début de la saison d'automne, mm-hmm. on se rappelle presque à chaque semaine, on a avancé d'une année à la fois. Oui. Il nous reste pas mal juste 2017 à faire la semaine prochaine. Ben oui. Ou cette semaine, on verra, on s'en fout. Hein? On ne sait pas encore. Ben, tu sais, hein? Faut bien qu'on patche les trous quand il n'y a personne qui vient. Ben oui, exactement. Hein? Remplir du temps d'antenne. C'est ça, on aime ça, 12 heures par semaine. Eh ben boy, qu'on vous aime. Ah oui, bisous, bisous, bisous. Allez, on prend une pause. Au retour, ça va être à mon tour de faire une petite chronique des instructions d'assemblage. Restez là. Aujourd'hui. Assemblage Antipotois aujourd'hui. We'll be right back. avec Feu de paille, assemblage requis, Hine, H-I-N-I-N. On sait pas encore comment le prononcer, mais on s'en sait. On sait pas, maintenant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ah, c'est les instructions d'assemblage où on se donne quelques conseils pour mieux vivre. Et j'apprécie le fait, en tout cas de mon côté, que plus la saison avance vers la fin, plus je me sac de certains détails. Ben oui, exact. On s'excuse, hein, mais la saison est longue. Mais tu sais, vous, on vous aime. C'est ben ça oui, qu'on vous dit le plus fait. Souvent possible. Commençons avec un petit sujet quand même pour les entrevues d'emploi, d'embauche. On suggère de se vanter à soi-même dans sa tête. OK. Tu sais, tout le monde est nerveux pour une entrevue, pour une embauche. Il y a plusieurs façons de se stresser, de devenir anxieux. Il faut faire des recherches sur la compagnie, pratiquer ses réponses. Ah, mais s'il me demande mon pire défaut, Tant que ça. Non? On dirait qu'au fil des années, ça, c'est. Ça me stresse plus. Faut que t'aies confiance en toi. Si tu sais que t'as confiance en toi, t'es correct. Mais t'es pas mieux si t'as trop confiance en toi. Non, tu deviens prétentieux, fendant, Université ouais. Laval, etc. Allez tout vous faire. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui aiment écouter peut-être leur playlist de course ou d'entraînement pour se pomper un petit peu avant une entrevue, ça pourrait être bien. Ah ça oui, par exemple. Ouais. Style musique, là, ça me met dedans. Ça a du sens. Une étude de la New York University et de Columbia University dit qu'on devrait aller encore plus loin en se vantant à soi-même dans sa tête avant d'aller voir la personne qui va vous engager. Tous les jours, je fais ça. On se regarde dans le miroir, ah, t'es beau, t'es belle, tu t'embrasses les pipes. Ok, pas tant que ça. Non, quand même pas. Mais je me dis que si j'ai appliqué sur ce poste-là, c'est que je crois honnêtement avoir les capacités pour faire cette job-là. Ouais. Fait que je vois pas pourquoi j'irais à cette entrevue-là en n'étant pas certaine de moi. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis en plus, tu sais, il y a des emplois où tu sais que t'as... Ouais, c'est ça, tu sais que t'as le talent. Si tu penses que t'as pas le talent, dis-toi que t'as le talent, tu vas l'avoir le talent. Pourquoi t'appliquer dessus? C'est ça, pourquoi t'appliquer dessus? Parce que tu veux juste dégarper. C'est sûr. Donc voilà, se parler dans le miroir. Sinon, on a dit que l'étude nous apprend qu'il y a des participants qui ont écrit deux paragraphes au sujet de leurs aspirations, donc leur envie d'avancer dans la vie, leurs ambitions, si on veut, avant de compléter une tâche, avaient plus d'influence, étaient plus influencés, oui, que les autres étudiants qui écrivaient sur les obligations qu'ils avaient à remplir ou simplement leur vie de tous les jours. Donc, tu vois qu'ils allaient plus dans le sens de parler de tes ambitions. Eux avaient plus de succès dans le test. Ben oui. Vantez-vous à vous-même. On vient de parler d'une playlist de musique, d'entraînement peut-être, pour se pomper un petit peu avant d'aller à une entrevue. Pourquoi ne pas trouver de la nouvelle musique? Hein, un petit peu? Il y a des gens qui aiment ça, trouver de la musique. Il y en a qui sont très bons là-dedans, qui vont utiliser, bon, peut-être le Spotify Discover. Il y en a plein, des petites playlists comme ça sur Apple Music et autres. Hein? Ben oui, tout à fait. Des listes best-of pourraient aussi être assez utiles si vous voulez entrer dans un nouveau genre de musique ou que vous voulez apprécier plus de sortes de musique. Par exemple, Rolling Stone, le magazine, a une liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Qui a été publié en 2012, de la musique populaire, donc des fois particulièrement cliché, surtout des albums importants que vous avez peut-être manqué si vous n'étiez pas dans la bonne génération, donc Rolling Stones 500 Greatest Albums of All Time. Ensuite, il y a le site Pitchfork qui collectionne le top 100 ou le top 200 des albums de chaque décennie, donc les années 60, 70, 80, 90 et 2000. Ils creusent un petit peu plus loin que Rolling Stone pour peut-être de la musique un petit peu plus obscure. Ça pourrait être bon pour ceux qui n'ont pas l'envie d'avoir de la musique trop mainstream. Ensuite, il y a un blog de culture Slug qui, lui, aime vous dire ce que Pitchfork a oublié dans ses listes de chaque décennie. Donc, c'est comme un genre de complément. T'as le site AllMusic qui fait aussi des listes de meilleurs albums, mais de façon annuelle, très bien présentée de façon visuelle avec la pochette de l'album et une critique pour chaque. Ça pourrait être bien. Sinon, vous pouvez chercher sur Google « meilleur dans certains genres », donc « best » et le genre de musique que vous voulez. Vous allez peut-être avoir des sites comme Pitchfork et Rolling Stone, mais aussi la radio publique américaine NPR, le magazine Complex et Up Rocks. Il y a aussi le site rateyourmusic.com qui a plus de 40 000 listes créées par les utilisateurs. Il y a des sections de musique populaire, entre autres. Et il y a aussi la liste sur Amazon qui s'appelle « 1001 Albums You Must Hear Before You Die ». C'est donc vraiment les albums essentiels des années 50 à 2005. Hein? Il y a aussi des sites de critiques de musique comme Metacritic Music, Consequence of Sound, Needle Drop. Il y a Bandcamp aussi, vous pourriez aller voir, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, peut-être moins. Avant que ça ferme, peut-être. Ouais, il y a plein d'autres sites sur assemblagerequis.com dans l'article. L'article, en fait, il ne termine pas tellement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions. Ensuite, si vous allez en voyage, on nous suggère de mettre une personne en charge de chaque tâche lorsqu'on se prépare à voyager pour pas qu'il y ait de redondance ou que les gens se pilent les uns sur les autres. Ah, ça pourrait être bien. C'est une règle qui nous vient de My Little Nomads. Donc, on dit qu'un parent ou une personne en charge va être en charge de chaque tâche. Là, on parle surtout en famille, mais on dit de ne pas partager le fardeau d'une tâche en ayant une tâche à faire par deux personnes, par exemple. Exemple, les sacs ou les valises. Il y a une personne qui ferait les sacs et les valises et qui serait outouté dans les valises. Si deux personnes font les valises en même temps, on ne sait pas qui a, est-ce qu'on a mis ça, est-ce qu'on a amené telle affaire, dans quelle valise est-ce que c'est. Même chose pour les hôtels, une personne qui planifie les hôtels, qui les book et tout ça. Donc une personne à la fois pour chaque tâche, je pense que c'est une bonne idée dans pas mal de choses dans la vie. Hein? Prendre sa place, savoir rester à sa place. Est-ce que cette stress des fois, peut-être as-tu lu des articles là-dessus sur les désodorisants avec de l'aluminium à l'intérieur? Il y a eu une phase à un moment donné dans les médias où on parlait que bon, il fallait arrêter de prendre des désodorisants avec de l'aluminium et aller vers une source plus naturelle. Il y a un marché en ce moment pour les désodorisants sans aluminium. On les appelle soit naturels ou quelque chose. Ils vont dire que c'est meilleur pour vous. Mais est-ce que c'est le cas? On nous dit en fait que l'aluminium, oui, la même chose qu'on trouve dans le papier d'aluminium, dans les canettes, tout ça c'est fait de traces de choses. Et on a trouvé des traces de ces choses-là dans les patients qui ont de l'Alzheimer et dans les tumeurs du sein. Par contre, les gens qui travaillent avec l'aluminium, eux n'ont pas développé de démence ou d'Alzheimer à un niveau plus élevé que les autres. Et l'aluminium qu'on a trouvé dans les tissus des personnes qui avaient des tumeurs au sein, c'était au même rythme que ceux qu'on a trouvé dans le fond, dans ceux qui n'ont pas... Donc, il y a zéro preuve, nous dit-on, qu'éviter l'aluminium va réduire les risques de ces deux conditions-là. Donc, où est-ce qu'on a pris cette idée-là? C'est apparemment l'American Cancer Society qui parle de ce mythe-là dans un qui a été envoyé pour la première fois dans un courriel de 1999, peut-être même avant. Le courriel qui disait que les antisudorifiques fonctionnaient. J'ai dit désodorisant tantôt, hein? C'est antisudorifique. Désodorisant, c'est celui qui masque l'odeur. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas la même chose. T'empêche de suer, exactement. On disait dans ce courriel-là que ça empêchait le corps de sortir les toxines en dessous des bras. Et selon cette histoire-là, les toxines qui n'étaient pas vraiment spécifiées allaient comme prendre de l'ampleur dans le dessous du bras et que ça allait causer un cancer du sein. L'histoire complètement fausse apparemment. C'est pas comme ça que les glandes de sueur fonctionnent. Donc on dit que c'est pas comme ça que le cancer fonctionne non plus. Que la plupart des tumeurs à la poitrine, donc la tumeur au sein, sont à l'extérieur du sein, dans le cadran, dans le corps qui est comme en haut à droite, mettons, dans le proche des dessous de bras. Mais c'est seulement parce que c'est là qu'on a plus de tissu dans notre poitrine. Et les recherches sur le lien entre l'aluminium et le cancer jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à trouver de preuves qui pourraient nous mener à penser que ce serait vrai tout ça. Donc les ingrédients qui contiennent de l'aluminium dans les antisudorifiques. C'est ça. C'est pour vous empêcher de suer. Une fois que la sueur est sur votre peau, les bactéries vont manger la sueur et excréter quelque chose qui sent très mauvais. Donc, les autres trucs actifs dans les désodorisants, que ce soit naturel ou pas, vont tuer les bactéries ou sinon fournir une fragrance pour couvrir l'odeur. Et certains désodorisants qui n'ont pas d'aluminium vont contenir des ingrédients qui vont aider à absorber l'humidité pour pas que vous vous sentiez aussi mouillé ou humide en dessous du bras. Ensuite, quand on se fait un compte en ligne... Il faut toujours avoir des petites questions de sécurité. Ben oui, ces fameuses petites questions dont on oublie tous la réponse. Tout le temps. Puis est-ce que j'ai mis un accent? Est-ce que j'ai mis une majuscule? Est-ce que j'ai mis un trait d'union? C'est ça. Ben justement, on vous suggère en fait d'utiliser de fausses réponses aux questions de sécurité en ligne. Donc quand vous vous inscrivez pour une banque, une nouvelle adresse courriel ou peu importe, on va vous demander par exemple des questions qui sont pas vraiment sécuritaires comme, bon, le nom de jeune fille de votre mère. Ben c'est pas assez parce que, Colin, les gens peuvent trouver ces informations-là. Ça arrive. Selon le New York Times, ça pourrait vous faire mal côté code de crédit. Quelqu'un pourrait avoir accès à vos informations personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on ment. Okay. Avec l'aide d'un gestionnaire de mots de passe comme 1Password ou LastPass, on va s'inventer une voiture. Par exemple, si la question est « Votre première voiture, c'était quoi? » Mais tu vas écrire peut-être la voiture de tes rêves ou la voiture que tu aimerais acheter un jour. Quand on te demande le nom de famille le nom de jeune fille de ta mère, invente n'importe quel terme qu'elle utilisait comme petit surnom pour toi quand tu étais jeune, des trucs comme ça. Quelque chose qui n'a rien à voir. Ça pourrait être une bonne idée pour s'assurer que personne puisse voler votre identité. Et bien sûr, quand on parle de gestionnaire de mots de passe, on parle d'un logiciel qui vous permet de ne pas avoir à réfléchir à ces choses-là et de tout garder dans un logiciel à part. Et quand on a besoin, mettre une clé sécurisée qui va venir ouvrir et entrer ton mot de passe. C'est disponible sur téléphone, c'est disponible sur ordinateur, iPad, ça fonctionne très bien. Mon préféré, c'est encore une fois 1Password. Ensuite, plus tôt dans l'émission, dans son Foutu Palmarès, on a parlé de façon d'utiliser un bac à glace pour différentes choses. Par exemple, faire geler du vin pour pouvoir mettre ça dans des recettes plus tard. Oh, OK. Des trucs comme ça, on s'en rappelle tantôt. Maintenant, dans cet article-là de Skillet, qui est un blog de nourriture, on nous suggère de faire geler des mini-bouteilles d'alcool dans des blocs de glace pour faire des party favors, des petits trucs qu'on va distribuer à ses amis, à ses invités lors de party. OK. C'est cool, hein? Donc, ben c'est oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Kemper English of Alcademics. Oui, c'est oui, le, oui. C'est le maître des produits glacés. C'est un blog, en fait. Alcademics, comme dans Alcool et Académie. On comprend, là. Donc, on a besoin d'un cooler, de boîtes de plastique et de petites bouteilles de votre alcool préféré. Et tout ce qu'on va faire, c'est de, dans un cooler, insérer les petites boîtes de plastique, mettre de l'eau dedans et mettre les bouteilles d'alcool dans les petits plats. Okay. Ce qui va faire que ça va faire un bloc de glace autour de votre bouteille d'alcool. Ah, ben oui. Et là, vous distribuez ça, puis les gens peuvent casser la bouteille. C'est une bonne idée. C'est super cute, en plus. C'est ça. Là, ça va être de la belle glace éclair autour de la bouteille. Et une fois que c'est complètement gelé, on peut sortir le cube et sortir ça des boîtes cadeaux et puis glisser ben, c'est ça. Placer ça, je sais pas, dans un verre ou quelque chose. Hein? Puis les gens vont aimer ça. Ben oui. Mm-hmm. Ensuite, justement, on parle encore d'alcool. On dit qu'on peut ouvrir une bouteille de vin avec une clé. Oui, apparemment. Apparemment. Je ne l'ai jamais essayé. Moi non plus, mais il y a une petite vidéo qui nous montre comment faire sur le blog de popsugar.com. Donc, littéralement, on a une bouteille de vin et on arrive avec une clé de maison, tout ce qui est le plus traditionnel. Et on va, avec un linge, une microfibre ou peu importe, on va pousser la clé dans le bouchon de liège mm-hmm. par le côté. Donc, il faut que la clé ait un effet de levier sur le bord de la bouteille. OK. Tu comprends? Et ensuite, on va tourner la clé de tous les côtés, ben en fait, dans le sens horaire, voilà. Et ensuite, on va tellement tourner, et avec l'effet de levier de la clé, on va pouvoir finir par enlever le bouchon. Ah! Ça fonctionne bien, apparemment. Ben oui. C'est un utilisateur de YouTube, Dave Hacks, qui nous montre comment faire ça. La vidéo est dans l'article sur assemblagerequis.com. On dit que ça fonctionne mieux avec des bouchons synthétiques, mais ça pourrait fonctionner avec des bouchons de liège quand même. Bouchons synthétiques, c'est ceux qui sont plus mousseux, le plus spongieux, je dirais. On le montre d'ailleurs dans la vidéo avec un vrai bouchon de liège. Ça a l'air un petit peu plus difficile de percer le bouchon de liège, mais quand même, ça vaut la peine d'être essayé, hein, si vous n'avez pas d'ouvre bouteille, hein, mm-hmm. que vous voulez vraiment votre vin double vie. Je l'aime tellement. Débris. Tellement bon ce vin-là, c'est incroyable. Ensuite, on nous suggère pour avoir un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle de travailler les dimanches soirs. OK. Uh-huh. Quand tu retournes à la maison le vendredi soir, est-ce que ça t'arrive de stresser par rapport à ton travail? Tous les jours! Tous les jours! Tous les jours! C'est ouais, une chanson qui dit ça. Hein? Ouais. Bref. On dit que. c'est ça, on dit de travailler le dimanche soir. Qu'est-ce que c'est ça? Tu travailles déjà tous les dimanches soirs. Sur tes chroniques, hein? Oui, exactement. Ouais. Ça veut dire planifier pour pouvoir passer votre lundi matin à travailler à la place de rattraper votre travail. Ça pourrait vouloir dire de regarder votre calendrier, décider ce que vous devez faire comme déplacement de rendez-vous, peut-être. On dit que. Deux jours avant sa session du dimanche soir, la personne qui écrit l'article termine la semaine de travail avec un petit résumé de sa semaine le vendredi après-midi. Qu'est-ce que la personne a accompli, qu'est-ce qu'elle n'a pas accompli, qu'est-ce qui devrait changer. Et comme ça, étant donné que tu as terminé ta semaine le vendredi avec un petit résumé, tu peux te vider la tête et aller faire ta fin de semaine, puis après ça, recommencer à penser à ça seulement le dimanche soir. Ah, ben oui. Moi, je préférais ne pas penser à ça du tout entre le vendredi soir et le lundi matin. Fait que je vais pas suivre cet article-là, mais quand même. C'est pour faire un certain équilibre, apparemment. Que ça fonctionne pour certains. Ensuite, on va sur Google Chrome pour faire mute sur chaque site web automatiquement avec une extension Chrome. Donc, pour faire muet, pas avoir de son, de vidéo, hein, c'est quand même le fun. C'est Automute, une extension de tierce partie qui fait exactement ce que son nom lui suggère, donc Automute. Une fois qu'on a installé l'application, chaque nouvel onglet va venir avec le bouton Mute de Chrome déjà activé. Et si un site web dont vous voulez entendre le son, par exemple YouTube, quelque chose comme ça, on peut le mettre sur la liste blanche pour le domaine au complet, donc le youtube.com et tout ce qui en découle. Vous pouvez aussi y aller avec un whitelist d'une seule page si vous voulez entendre l'audio d'une page, mais pas le reste du site. Quand même assez personnalisable. On dit que Automute ne s'intègre pas directement avec la fonctionnalité Mute de Chrome, donc on peut pas cliquer droit sur un onglet pour enlever le Mute. Il faut vraiment cliquer sur l'extension Automute. Mais c'est un petit désavantage pour un paquet d'avantages. Ça s'appelle Automute. A-U-T-O-M-U-T-E. Ensuite, on va empêcher nos croustilles de devenir molles en les mettant dans le congélateur. OK. Ben voyons donc, toi. Des croustilles à long terme, c'est rare que ça dure assez longtemps pour que j'aie besoin d'un conseil comme celui-là. Mon sac de chips, il dure quoi? Une journée? Ou deux? Maximum. Pour vrai? Ça m'arrive des fois de pas finir un sac de chips, toi. Oh boy. C'est fini au complet? Ben non. Non? 3, 4, 5 jours? C'est vraiment rare que je finisse un sac de chips. OK, ben ça fait... Peut-être que t'as pas beaucoup. Est-ce que t'as souvent des chips chez toi? Non. Ben c'est ça. Ben c'est ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse en fait, c'est de pas avoir de chips, t'en manges pas dans ce temps-là. Ouais. Hein? Exact. C'est une très bonne solution ça. Bref, donc on parle de congélateur. Si vous avez acheté un gros sac de chips, quelque chose de. Je sais, dans un magasin là, où les emballages sont énormes. Mm-hmm. Bon, ça peut arriver que vous avez pas assez de temps ou d'envie de manger de chips et qu'après deux semaines, elles deviennent toutes molles. Donc on devrait les sceller et les mettre dans le congélateur. Oui, le congélateur. Il y a des fans de cette pratique-là qui disent que même des chips, un sac de chips ouvert ne deviendra pas mou avant des mois. Ah, OK. Hein? Les chimistes alimentaires sont pas trop certains comment ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne pour les chips tortilla, les chips de patate chip normales, apparemment. Mm-hmm. Donc, allez l'essayer. Puis, ça vous arrive aux chips dans quelques mois, quand vous en aurez envie. améliorer le contact que vous pouvez avoir avec une personne. T'sais, on suggère souvent d'avoir un contact visuel avec une personne à qui tu parles. Comment est-ce que tu pourrais avoir un meilleur contact visuel? C'est en essayant de trouver la couleur des yeux de chaque personne à qui tu parles. C'est le livre The Nonverbal Advantage qui nous dit qu'au début de l'histoire de la survie de l'humain, les enfants qui étaient capables de maintenir un contact visuel et donc attirer l'attention des gens avaient une meilleure chance de se faire nourrir et qu'on prenne soin d'eux. Ça, c'était au tout début. Mm-hmm. Aujourd'hui, faire un contact visuel oculaire, c'est toujours très important pour les enfants, entre autres. Même si c'est pas aussi critique pour leur existence. Une façon simple de montrer aux enfants comment faire un contact visuel, c'est de leur demander la couleur des yeux de la personne à qui ils parlent. Ah. Ça pourrait vous servir en tant qu'adulte aussi. Donc, prenez une note mentale et revenez à la personne, aux parents dans ce cas-ci, en disant, je sais pas, les yeux sont bruns. Personne, c'est un truc qui fonctionne, comme je disais, pour les adultes. Regardez les yeux d'une personne pendant deux secondes de plus et sourire. Ça va donner l'impression à la personne qu'ils ont été vus et reconnus. Hmm. Quand même bien. Ensuite, t'as peut-être lu un article dans les dernières semaines qui disait que les selfies, les maudits égoportraits, là, c'est un mot que je refuse d'utiliser. Donc, les selfies donnent l'impression que ton nez est plus gros que la normale. Ou que tu penses. T'as pas vu cet article-là? Que ton nez est plus gros dans un selfie. Et là, tu vas te mettre à penser juste à ça. Hein? C'est ça. Écoute, j'ai pas vu cet article-là. Vas-y, raconte-moi. Ben, c'est ça. C'est un article officiellement, apparemment, que les selfies vont faire que ton nez va avoir l'air drastiquement plus gros qu'il l'est vraiment. On parle de 30% d'augmentation, selon une étude récente. Ouais. C'est énorme. Qui comparait les visages des gens lorsque pris à différentes distances. Mais il y a une façon très facile de régler le problème. Selon l'étude publiée dans JAMA Facial Plastic Surgery, la plupart des caméras de téléphone cellulaire, surtout celles sur sur le devant du téléphone, donc on parle de la caméra de selfie, donc celle qui est sur en haut de l'écran, va distorsionner le visage lorsque tu vises de très très près. OK. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter de la distance entre la caméra et son visage. L'étude nous apprend que les photos prises à 5 pieds de distance n'avaient pas de distorsion. Donc plus tu te déplaces, plus tu prends un selfie stick peut-être, plus tu es loin de ton téléphone, plus la distorsion va être faible. Donc si tu as des bras plus courts, tu pourrais utiliser comme je disais un selfie stick. Sinon, flippe ton téléphone et utilise la caméra à l'arrière du téléphone pour prendre ton selfie. Il va falloir peut-être que tu la prennes plusieurs fois ou que tu demandes à quelqu'un est-ce que je suis centré ou demander à quelqu'un de la prendre, quelque chose comme ça. Comme ça, tu n'auras pas l'effet fisheye que la caméra du devant a. OK. C'est pas pire quand même comme conseil. 30% plus gros dans un selfie. C'est la déformation de la lentille. Ensuite, ça, je trouvais ça intéressant quand même. Je me rappelle que tu m'as dit, ben, tout le monde sait que t'es allergique aux pommes, on en parle assez souvent. Mm-hmm. Pas aux pommes, aux pesticides sur les pommes. Ouais. Sur les pommes. Et que t'as un EpiPen une fois de temps en temps dans ta, ouais, dans ta sacoche. Une fois de temps en temps, oui. Il y en a aussi à la chasse-galerie si vous avez. Ouais, si jamais vous êtes en train de mourir. Malaise. Exact. Il y a une nouvelle application qui utilise le crowdsourcing pour trouver un EpiPen en cas d'urgence. Oh, c'est le fun ça. Ouais, des gens qui ont des réactions allergiques sévères aux arachides, par exemple, aux piqûres d'abeilles, ont souvent des EpiPen sur eux. Ça injecte de l'épinéphrine, mm-hmm, ce médicament, dans ton sang pour contrôler la réponse immunitaire de ton corps. C'est bien ça. Mais bref, sans EpiPen, oui, les gens pourraient souffrir d'un choc anaphylactique en moins de 15 minutes en attendant l'ambulance. Donc, être sans EpiPen ou autre injecteur automatique peut avoir des conséquences mortelles. Donc, EpiMada, une nouvelle application créée par des chercheurs en Israël, à Bar-An University, mm-hmm, c'est fait pour sauver les gens de choc anaphylactique lorsqu'ils n'ont pas d'EpiPen avec eux. L'application utilise le même type d'algorithme que les applications comme Uber, tu sais, les taxis. Et ça match des gens en détresse avec des gens qui sont proches avec un EpiPen. Évidemment, c'est en Israël, mais ça pourrait éventuellement s'en venir chez nous. Hein? L'application, mais ça serait vraiment bien. Présentement, seulement quelques centaines d'utilisateurs, mais le principe, je trouvais, était vraiment intéressant. Du crowdsourcing d'EpiPen. Mm-hmm. Seulement en Israël pour l'instant. Ensuite... tiens, comment utiliser Google Lens sur ton téléphone? Est-ce que tu sais ce que c'est Google Lens? Non. C'est un outil de reconnaissance de photos sur demande qui vient dans Google Photos. Oh, et qui peut te donner des informations additionnelles sur le sujet de ta photo. Finalement. Ah. Et ben maintenant, c'est disponible sur iOS, sur iPhone, sur iPad. Donc, prendre une photo, par exemple, d'une tour, la Kite Tower à San Francisco, va vous montrer les détails sur les critiques, les informations de contact par rapport à ce monument-là. Si prenez une photo d'une carte d'affaires, ça va interpréter l'information que ça voit et va donner l'option de l'ajouter à ton téléphone. Même chose pour les événements, les invitations d'événements qui pourraient être ajoutées directement à votre calendrier juste en prenant une photo. Pour l'avoir sur le iPhone, il faut télécharger la plus récente version de l'application. Donc, la version 3.15 ou plus, on lance l'application et on sélectionne une photo. Et une fois que la photo est chargée, il faut cliquer sur le bouton Google Lens. Donc, c'est un genre de carré qui ressemble un petit peu au logo d'Instagram. Et une fois que ça reconnaît, oui, ce qu'il y a dans la photo, ça va te donner les informations directement. C'est cool. Google Lens. Cool. Ouais. Ensuite, quand tu vas dans un bar, une fois de temps en temps, ça se pourrait que tu aies de la difficulté à entendre la télévision. Okay. Si tu veux entendre ce qui se passe, je sais pas, un match de sport, quelque chose, il y a plein de gens, ça crie partout. Donc, on appelle ça Tunity, T-U-N-I-T-Y. C'est une application qui est faite pour vous aider à entendre la télévision à des endroits où il y a beaucoup de gens, où c'est pas facile d'entendre. Donc, pour utiliser l'application, il faut la télécharger et ensuite créer un compte en utilisant votre adresse courriel et votre compte Facebook. Et quand vous êtes prêt à écouter, vous allez pointer votre téléphone vers la télé pour que l'application sache ce que vous regardez. Et vous allez appuyer sur le bouton Scan. L'application va trouver qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, quelle chaîne. Et ça va commencer à jouer l'audio de la chaîne dans votre téléphone. Et là, vous le pointez vers votre oreille pour entendre. Ça se pourrait que l'audio soit un petit peu désynchronisé. Attendez quelques secondes et ça va se placer. C'est vraiment super pour tout ce qui est en direct. Donc, les chaînes, évidemment, américaines, on s'entend. Ben un match oui. de sport. Quoi qu'un match de sport qui serait diffusé en français, je me demande si... Je penserais pas. Tu penserais pas? Il faut que ce soit exactement la même chose qui est diffusée en anglais. Ah, ouais. D'après moi, il y a une centaine de chaînes qui sont disponibles en ce moment. Donc, vos chances de succès, si vous êtes dans un bar qui diffuse de la télé américaine, pourraient être quand même assez élevées. C'était Tunity, le nom, en passant. Est-ce que tu vas dans des hôtels, des fois? Oui. Je t'ai déjà posé la question. Ouais, pas souvent, mais ça arrive. Ça peut arriver. Mm-hmm. Savais-tu que t'es pas obligé d'utiliser ta carte de chambre pour opérer les lumières? Parce qu'apparemment, qu'il y a des hôtels où tu dois utiliser ta carte pour... Ah ouais? Ouais, je te jure. Il y a plusieurs hôtels, en fait, qui vous demandent de mettre votre carte-clé dans la slot, la fente à côté de la porte pour faire des choses comme allumer ou éteindre les lumières ou même utiliser les prises de courant. C'est un détail, apparemment, dans certains hôtels, je savais pas ça. Mais apparemment, qu'il y a un petit conseil qui fait des vagues sur Twitter en ce moment. On peut mettre en fait n'importe quelle carte là-dedans comme remplacement. C'est pas fait pour ouvrir la porte, c'est juste une slot qui va appuyer sur un mécanisme dans la fente qui va vous permettre d'utiliser le système dans l'hôtel. Donc, juste à mettre n'importe quelle carte là-dedans, une vieille carte d'hôtel que vous avez dans votre portefeuille, une carte de récompense d'une épicerie locale, peu importe, et les boutons de lumière vont fonctionner. Pourquoi pas? Hein? C'est une très bonne idée. Tu pourrais laisser ta carte là pendant tout ton séjour. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. Sinon, tu peux aussi demander plus qu'une carte clé avec l'intention d'en laisser une dans la fente à l'hôtel. Ensuite, j'aime bien celui-là. C'est comme un Instapaper pour les podcasts. OK. Pour les gens qui écoutent des podcasts et qui veulent en garder en banque pour plus tard, ça s'appelle Listen Later. Ouais, Listen Later. Souvent, les applications de podcast sont faites pour s'inscrire et recevoir tout le temps chaque nouvel épisode. Ça peut devenir lourd un petit peu. Avec Listen Later, tu peux te construire une liste d'épisodes, comme dans n'importe quelle autre application, chercher des épisodes spécifiques et les ajouter à une liste pour écouter ça plus tard. Ah. Ouais, donc tu pourrais chercher un épisode, je sais pas, de spécifique d'une série que t'aimes beaucoup et de pas avoir à écouter le reste de la série. Parce que ça te tente pas de l'écouter. Tu veux écouter juste l'invité qu'il y a eu dans une certaine chronique. Dans une certaine émission. Ouais. Mm-hmm. C'est bon aussi pour quelqu'un qui voudrait commencer à écouter des podcasts, mais qui ne veut pas être surchargé d'une tonne de choses. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ensuite, c'est un article de Mental Floss qui nous dit les raisons dégoûtantes pour lesquelles vous devriez toujours laver vos vêtements avant de les porter. Mm. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine. Moi, je me suis acheté à un moment donné un cache-coupe et une tuque. J'ai jamais lavé ça. J'aurais non, dû, non, ça m'arrive. Ça l'arrive, ça. Une robe, c'est sûr que peut-être que tu vas la laver avant. Oui. Bref, c'est ça. Des fois, t'arrives puis tu veux peut-être même porter ton vêtement pour une soirée sans avoir enlevé l'étiquette tout de suite parce que tu veux savoir si tu vas être confortable dedans, tu sais. Donc, tu le laves pas. Mais quelque chose à savoir, c'est qu'évidemment, bon, ça, on n'apprendra rien en disant que quelqu'un d'autre a probablement essayé ta ouais. robe. Ils n'ont sûrement pas fait un marathon dedans quand même, donc ça devrait pas sentir trop mauvais. Mais on parle de petites bestioles. Mm-hmm. Comme des poux qu'il pourrait avoir dans les vêtements. Selon The Independent, Donald Belcito, un professeur de dermatologie à la Columbia University Medical Center, a dit au Today Show sur NBC que il a dit ça récemment que les vêtements qui sortent directement du magasin peuvent avoir une infestation de puces et de d'autres trucs vraiment pas le fun. Par exemple, les puces, pas les puces, mais les poux qu'on avait sur la tête au primaire, des trucs comme ça. Apparemment que ça. C'est quand même assez répandu dans les magasins. Ça peut être transmis via les vêtements et par d'autres tissus. Donc, si vous avez déjà essayé un vêtement en magasin, ben, Colin, vous êtes chanceux de ne pas être tombé là-dessus. Hein? Apparemment qu'elle peut vivre une à deux journées sans avoir de sang. Hein? Mais c'est assez pour causer des problèmes si quelqu'un l'essaie fréquemment. Sinon, la... celui-là, je vais juste vérifier pour être sûr, c'est quoi en français? Et oui, des mites, je crois que c'est des mites. Une gale, scabies. Ouais, on peut contracter la gale par simple contact avec ces vêtements-là aussi. Ouais, c'est trop petit pour être vu, mais la réaction allergique qu'on peut avoir lorsque ça entre dans ta peau pour faire des œufs, ça peut être quelque chose, ouais. Ouais. Les deux peuvent être traités avec des solutions qu'on peut retrouver en pharmacie, mais c'est toujours mieux de les tuer en lavant les nouveaux vêtements dans de l'eau chaude dès le départ. Un bon trempage aussi peut se débarrasser du formaldéhyde, qui est un produit chimique commun utilisé dans les tissus pour aider à éliminer la moisissure lorsque les vêtements sont pris dans l'humidité pendant le transport. Donc, le formaldéhyde qui peut causer des réactions allergiques aussi. Et pour toutes ces raisons, c'est mieux d'au moins laver au chaud une fois vos vêtements lorsque vous les achetez. Hein? Je pense que vous allez les retenir, celle-là. Je pense que oui. Ensuite, combien est-ce que tu penses que tu as besoin d'amis pour être heureuse dans la vie, Talia? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein? Mm. Non. L'anthropologue britannique Dr. Robin Dunbar, dans les années 90, avait trouvé une solution, une conclusion intéressante, disant que les humains pouvaient maintenir des relations sociales avec en moyenne 148 personnes grâce à notre néocortex dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. OK, mais 148 personnes, c'est des connaissances. Des connaissances, exactement. OK, exactement. J'ai pas mal plus de connaissances ben oui. que j'ai de très bons amis. Et plus que 150. Oui. Probablement. Ouais. Hein? Donc, on parle de relations qui pourraient avoir une certaine proximité dans nos vies. Donc, famille, amis, des connaissances qu'on se rappelle à peine de ce qu'ils font dans la vie. Oui, ça, là, on vous aime! Donc, Dunbar, sa recherche a mené au concept des calques, des couches de Dunbar, où la proximité émotionnelle entre deux personnes peut être donc prise en compte. Ce qui veut dire que vos relations ressemblent à des couches. Au lieu d'un nuage de 150 personnes, t'as des couches, des strates, si on veut. La couche la plus près de toi a entre 3 et 5 personnes. Ça, c'est des personnes très, très, très, très, très proches de toi, là. T'sais? Ensuite, la prochaine couche a 15 personnes. La prochaine couche a 50 personnes. Et ensuite, le reste. Donc, la couche intérieure, c'est tes relations vitales, ton cercle interne d'amis très, très, très proches, des gens que tu rencontres fréquemment, tu sais presque tout à leur sujet, une connexion émotionnelle. Donc, on pourrait comparer ça à l'émission Entre Amis, Friends, où les personnages principaux sont 6. Donc, c'est 5 personnes plus soi-même, finalement. Mm-hmm. Ce qui est quand même un bon modèle à suivre, niveau biologique et sociologique, selon le médecin dont on a parlé tantôt. On devrait être capable de maintenir ces relations-là et on va être beaucoup plus heureux en ayant ces relations-là les plus proches de nous. Pas pire, hein? Mm-hmm. I'll be there for you, ben comme oui. on dit. Hein? Et ensuite, ben, on nous dit qu'on a au moins besoin d'une personne proche dans la vie. Parce que l'isolation et la solitude vont nous tuer avec l'âge. Et pour terminer, Celui-là, tu sais, est-ce que t'as déjà, une fois dans ta vie, perdu tes clés? Oui. Oui? Je pense que non, moi. Hein? Ça me dit rien d'avoir perdu mes clés. T'as jamais pensé, genre, « Oh mon Dieu, sont où mes clés? » Ouais, on dirait que j'ai comme une... je suis tout le temps en train de checker, voir si j'ai tout. Ben voyons donc. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me dit rien. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais je m'en rappelle pas. Moi, je l'ai... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ben, tu sais, je vais donner un petit conseil de mettre tes clés en dessous de quelque chose qui est important pour pas les laisser derrière. Ben, c'est ça que je fais maintenant. Ah, derrière quoi? Dessous quoi? Toujours près... Soit si elles sont dans ma chambre, ça va être sur mon bureau. Oui. Directement à côté de mon portefeuille. Ouais. Et si elles sont ailleurs, eh bien, elles vont être sur ma table. Très bonne idée. J'aime aussi le conseil d'avoir une chute. Une fois que tu arrives à la maison, tu as un petit réceptacle, une assiette, un bol, quelque chose pour domper tes trucs dedans. Ça fait que quand tu changes de pantalon, tes affaires sont dans le bol et non pas dans les pantalons d'avant. Hein? Mm-hmm. Ça arrive des fois, ça. J'ai plus souvent oublié mon portefeuille à la maison que mon... que mes clés. Moi aussi, considérant le fait que quand t'es une fille... t'as pas de poche. Non, tu non. changes de sacoche. Ah, ah, ah, ah. Ouais. Ça, là... On peut s'en parler. Bon, donc, pourquoi on fait ça? Je sais pas pourquoi on fait ça. Oh mon Dieu. C'est les filles. Je peux même pas commencer à penser, savoir, dire que je... Écoute, hein. Je peux comprendre ça. Bref, c'est un utilisateur sur Reddit, Optician Juice, qui a suggéré de laisser ses clés autour de quelque chose qu'on veut pas oublier. Cette personne-là a une drôle de technique. Il laisse ses clés de voiture dans le... frigidaire dans le réfrigérateur avec sa boîte à lunch pour être sûr de pas quitter la maison parce qu'il est pas capable, parce que dans le fond il veut ce qu'il veut, c'est pas de se rappeler que ses clés sont là, c'est qu'il veut se rappeler de sa boîte à lunch, lui. OK. Donc il laisse ses clés de voiture près de la boîte à lunch parce que comme ça il peut pas quitter la maison avec sa voiture vu qu'il a pas ses clés sans sa boîte à lunch. Tu comprends le principe? Ouais. Donc c'est un peu le même principe mais à l'envers. Wow. Donc tu laisses soit tes clés avec les choses qui sont importantes ou laisser tes clés. Ben c'est ça, ça marche les deux bords. Pour te rappeler d'avoir ton portefeuille, tu mets tes clés avec, mm-hmm. ou le contraire. Ça. C'est bizarre, hein? Oui. Les gens suggèrent sur Reddit de laisser quelque chose, par exemple tes clés en dessous de quelque chose pour être vraiment sûr que la chose qui est importante soit sur le dessus et que tu vas être sûr d'avoir tes clés parce qu'elles sont en dessous. Mm-hmm. Wow. Je sais pas. C'est cool. C'est quand même cool. Voilà pour les 20 conseils d'aujourd'hui dans les instructions d'assemblage. On a appris plein d'affaires. Plein d'affaires. Dans quelques minutes, ce sera ta deuxième chronique, Tania Gun Entertainer. Mais avant ça, on prend la pause et on revient. Assemblage pour toi aujourd'hui. Spice Boys avec Spice City Boys, une pièce qui a quitté les palmarès il y a de cela un bon moment quand même, mais que ça me tente d'entendre un petit peu varier un peu notre son, hein? Pas écouter toutes les mêmes affaires. Mais non, faut varier. Anecdote en fin de semaine. Tu sais, les gens des fois balayent leur asphalte, leur entrée. Ça arrive, tu vois les gens balayer le sable, des trucs comme ça. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, mais dans une rue, tu sais, tout ce qu'il y a de plus anodine qui menait vers une autre rue, tu sais, genre une sortie d'étage dans Saint-Sacrement. Oui. Le gars est en train de balayer le trottoir. Ah, boy. Colin, cool. Il y a une tempête de neige le lendemain. Oui, c'est ça. Fait que pas sûr que c'est le moment pour faire ça, mais OK. Écoute, hein. Si tu veux. On t'arrêtera pas. Mais c'est ça, ouais. J'ai peut-être pris en vidéo aussi. je trouvais ça drôle. On a du temps aujourd'hui. Mm-hmm. Pas mal plus de temps que d'habitude. Pas de chroniqueur, absolument aucun. Il nous reste encore ta chronique qui s'en vient. Tantôt, rappelle-nous de quel sujet tu nous parles dans ta deuxième chronique. Je vais y aller du côté finance personnelle parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, eh bien, Philippe Fournier, notre nouveau chroniqueur, a titillé. Comment je pourrais dire, mon attention oui. au niveau de la finance personnelle. Et je suis allée fouiner dans la section finance d'une librairie. Fournier t'a fait fouiner. C'est ça. Bel beau titre de chronique. Ben oui, je l'ai réécouté sa chronique dans l'édition week-end. C'était tout aussi bon la deuxième fois. C'est excellent. C'est excellent. On va le retrouver c'est jeudi matin pour une deuxième chronique de trois. C'est pas une longue chronique. Mais pour l'instant, on écoute Buffalo Tom. Voici All Be Gone. Ah, ça me l'a comme dans Tout mon argent est parti. Ouais. There was a time coming and going, a time wanting but not really knowing. We took the boat out of the water, already missing my son and missing my daughter. Rolling in, we shouldn't be here. I don't know how we were fighting this fear. Our streams are crossed, guess I'm now lost. What is the price of asking you to give me one more? Hot Trash avec One More Chance à Sondage Rocky. Tantôt, j'ai dit qu'on avait beaucoup de temps pour écouter de la musique. Ça compense pour le reste de l'année. En effet. Il me semble qu'on n'en jouait pas tant que ça. Donc voici Slaughter Beach Dog et Acolyte. tired. Sing my secret choir. Salt my scrapes and sleep tight. Sing my brave acolyte. La pièce Acolyte de Slaughter Beach Dog à Assemblage Requis. Moi, ça me fait du bien d'entendre cette pièce-là. Mm-hmm. À chaque fois, je fais comme « Oh, c'est bon! » Ben oui! Bon. Là, c'est vrai, tantôt, on vous a un petit peu titillé avec ça. On vous a annoncé des trucs de finances personnelles. C'est vrai, là, ça s'en vient juste après la pause dans Tania's Gonna Entertain You. Restez là! Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Troisième heure d'Assemblage Requis en ce lundi 9 avril 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est seuls aujourd'hui. Oui. Juste toi et moi. Eh ben oui, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Hey, pour cette demi-heure-là, ben, c'est moi qui vais t'écouter. Oui? Hein? Ah, OK. Ben oui, dans Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna do Tania. Tania, t'es une fille intelligente, tu J'essaye. Sais. Ouais, ouais, t'essayes. Ça marche, ça marche. Et t'es quelqu'un qui lit. Et t'es ouais. quelqu'un qui veut s'améliorer dans la vie. Donc, on a mis tout ça ensemble dans le vendeur ouais. pour faire une chronique sur les livres, sur la finance personnelle. Exactement, parce que, bon, je l'ai dit, ça fait déjà maintenant trois fois que je ouais. répète. Philippe Fournier, notre nouveau chroniqueur du côté finance. Jeudi matin. Jeudi matin a vraiment titillé mon intérêt pour ce qui est de la finance personnelle. Bon, il nous a parlé des outils qu'on doit avoir avec nous dans la petite boîte à outils pour un petit peu remanier notre budget ouais. et ainsi ne pas s'endetter et tout simplement peut-être faire le point dans notre situation financière. Et bien évidemment, tout ça a vraiment allumé quelque chose chez moi. Donc, je me suis rendue dans une librairie quelconque et je suis... J'ai spoté, là. Donne-moi toutes les livres j'ai, sur la finance personnelle. C'est ça. J'ai spoté l'allée de la finance. Ouais. Je suis allée me perdre là-dedans et je me suis trouvée pas tant perdue que ça, finalement. Ah, ben... Tu vois, côté connaissance, avec ce que Philippe nous avait dit versus ce que je connaissais déjà, j'ai vraiment trouvé mon air dans cette fameuse dans cette fameuse section-là. Il reste juste à l'appliquer, maintenant. Exactement. Écoute, je me suis sentie un petit peu mal parce que j'ai dû honnêtement lire comme la moitié de trois livres le temps que j'étais à la librairie. Je pense que le gars qui travaillait là était tanné de venir me voir, savoir si j'avais besoin d'aide dans ma recherche. J'ai été, vraiment été captivée par certains livres et ce matin, je me suis dit pourquoi pas vous les présenter. Le premier livre, en fait, j'ai décidé de l'acheter tout simplement parce que là, à un moment donné, j'aurais pas passé la journée dans cette librairie-là non plus. Alors, j'ai mis la main sur le livre L'entreprise du 21e siècle. C'est pas un livre très, très dispendieux. On parle d'une vingtaine de dollars et ça a été écrit par Robert T. Kiyosaki, qui est déjà connu dans le monde de la finance comme étant celui qui écrit les livres Rich Dad en anglais. Ah. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Rich Dad, eh bien, si vous transférez ça en français, c'est Père riche, Père pauvre. Donc, il y a plusieurs livres qui sont sortis de cette suite-là. Et bien évidemment, on parle de finances tout au long de ces fameux petits livres, mais c'était la première fois que je mettais la main sur ce livre-là, L'entreprise du 21e siècle, et que j'entendais parler de ce livre-là aussi, parce que j'avais déjà entendu parler des autres, mais celui-là, je ne l'avais pas vu, j'étais pas au courant, alors je me suis dit, bon, écoute, je vais lire derrière, j'ai lu derrière, j'ai été quand même surprise de l'intérêt que ça suscitait chez moi, alors je me suis mis à lire 2-3 pages. Finalement, j'en ai lu comme 52. Alors, encore une fois, je m'excuse au petit gars qui était là. Hey, tu l'as acheté à la fin, fait qu'il peut pas se plaindre. Hein? Non, exactement. Mais si vous voulez un bref résumé, en fait, ça dit que l'auteur a eu la chance de faire des expériences et d'avoir des mentors qui lui ont enseigné à créer la véritable richesse. Par conséquent, il a été en mesure de se retirer et de ne plus jamais avoir à travailler. Mais avant ce jour-là, il a travaillé pour assurer l'avenir de sa famille et depuis qu'il travaille, pour vous aider aussi à assurer le vôtre. Donc, au cours des 10 dernières années, l'auteur s'est consacré à trouver les moyens les plus efficaces et les plus pratiques pour aider les gens à transformer leur vie au 21e siècle et à assurer leur prospérité dans le cadre des ouvrages de cette fameuse série-là. Donc, Père Riche, qui est justement cette suite de livres, et ses associés ont traité de différents types d'entreprises, d'investissements, et pendant ces années, bien, on a bien évidemment de la recherche intensive. On découvre un modèle d'entreprise en particulier qui, selon eux, est quand même le plus prometteur au plus grand nombre pour les gens qui veulent prendre le contrôle de leur vie financière et de leur avenir et de leur destinée. Ce que j'ai trouvé le fun dans cet ouvrage-là, c'est qu'on démontre pourquoi est-ce que vous devez ériger votre propre entreprise et aussi pourquoi est-ce que vous devez le décrire. C'est une démarche qui n'a pas uniquement trait à modifier, par exemple, le modèle d'entreprise avec lequel vous travaillez, mais vous devez également changer. On est en mesure d'enseigner comment trouver ce qu'il faut pour ériger cette entreprise-là qui répond parfaitement à vos besoins. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va vous dépeindre un petit peu la différence avec la génération qui était avant nous et la génération qui est travaillante au 21e siècle. C'est sûr et certain qu'il y a encore des gens de l'ancienne génération, de la génération précédente, qui sont toujours au travail. Par contre, les buts pour lesquels on travaille ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est souvent là qu'on a une difficulté au niveau de l'apprentissage des finances, c'est qu'on ne peut pas nécessairement répéter quelque chose si les enjeux eux-mêmes changent complètement. Et dans les premières pages de ce livre-là, on explique la différence entre nos parents et comment nous, est-ce qu'on gère notre argent et comment eux se sont fait dire de gérer la leur. Mais comment eux se sont fait dire de gérer la leur, c'est aussi comment eux nous l'ont appris. Oui. Parce qu'automatiquement, c'est quelque chose qui se passe et qui se passe. Mais au 21e siècle, il y a eu une éclosion, et j'appelle ça, mesdames, messieurs, Internet. Ben oui. Ce qui a fait en sorte que c'est devenu complètement différent de gérer son argent et pourquoi est-ce qu'on veut bien la gérer. Alors, si jamais ça vous intéresse, ce livre-là, L'entreprise du 21e siècle, c'est un excellent livre. Jusqu'à présent, j'ai lu 52 pages et je suis tout autant captivée. Cool. Par la suite, le prochain, j'ai malheureusement pas réussi à le trouver en librairie. Par contre, j'ai essayé de le feuilleter en ligne. J'ai feuilleté quelques pages déjà et j'ai écouté une bonne entrevue avec l'écrivaine qui est Shannon Lee Simons. Pour le moment, ce livre-là s'offre simplement en anglais. Vous ne pouvez pas le trouver en français, mais ça s'appelle « Worry-Free Money », donc « The Guilt-Free Approach to Managing Your Money and Your Life ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'approche sans contrainte et sans culpabilité de vouloir tout simplement gérer notre propre argent et notre propre vie. Et ça vient vraiment compléter, je vous dirais, le premier livre dont j'ai vous parlé, qui est « L'entreprise du 21e siècle », parce qu'on s'entend que c'est frustrant. Il y a aussi de la confusion souvent lorsqu'on va parler d'argent. La vie, ça coûte quand même cher, on va pas se mentir. Alors qu'on ait 30 000 $ de revenus ou 130 000 $ de revenus par année, on a quand même tout le temps cette impression d'être pauvre. Ouais. Et c'est de cette façon-là, en fait, que l'écrivaine vient tout simplement nous donner des connaissances du côté de la finance. Et elle est aussi fondatrice de l'école The New School of Finance. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est comme je le disais, au 21e siècle, il y a une différence dans le monde de la finance qui s'est produite et c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs personnalités du monde financier qui ont réussi à faire une certaine éclosion avec leur explication et avec leur méthode. Donc, un petit peu comme Philippe nous l'avait expliqué, il avait dit d'ailleurs qu'on va se payer nous-mêmes d'abord, eh bien, c'est un petit peu vraiment dans cette lignée-là que Shannon Lee Simons a écrit son livre, c'est de penser un petit peu comment est-ce que les moments et comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre argent va nous être bénéfique, mais à nous, avant même qu'elle soit bénéfique à n'importe qui d'autre ou à n'importe quelle organisation gouvernementale. Mmh. On parle encore une fois d'un livre dans la vingtaine de dollars. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible chez Archambault, mais encore une fois, c'est juste en anglais. Ouais. Donc, il est disponible chez Archambault à Trois-Rivières, pas chez Renaud-Brie, vous devez le commander d'abord, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais si jamais ça vous intéresse, vous allez tout simplement comprendre cette nouvelle réalité-là au niveau de la finance et bien évidemment, la pression de survivre de façon moderne, parce qu'on s'entend qu'il y a quelques années déjà, on avait peut-être moins de sorties par semaine. On avait peut-être des ambitions qui étaient complètement différentes. On voulait s'acheter une maison. Là, peut-être que l'idée n'est plus vraiment la même rendue au 21e siècle. On voulait une famille. Peut-être que là, on ne veut pas nécessairement encore de famille. Peut-être qu'on veut voyager. Donc, à ce niveau-là, le livre « Worry Free Money », c'est vraiment tout dans cette optique-là de vous faire réaliser vos différents plans, mais comment bien les gérer. Par la suite, je vais vous parler d'un livre qui peut avoir un titre quand même... je sais pas comment le décrire. Je veux pas dire péjoratif. Je veux dire quasiment qu'on essaie de vous vendre un rêve. Ah oui, une utopie. Quasiment, oui, parce qu'en fait, le livre s'appelle « D'endetter à millionnaire ». Ben oui, hein? Un plan pour les milléniaux, les jeunes familles et tous ceux qui veulent s'enrichir. Donc, automatiquement, je comprends très bien que dans le titre... C'est accrocheur. Automatiquement, c'est accrocheur. Automatiquement, c'est utopique. Mais quand on se met à lire les premières pages, on réalise très vite que le fait qu'on est extrêmement endetté, peu importe le montant qu'on gagne chaque année, on est endetté. Ouais. Devenir millionnaire, dans la tête des deux personnes qui ont écrit le livre, c'est pas de devenir millionnaire à avoir de l'argent à pitcher par les fenêtres. C'est tout simplement avoir de l'argent pour nous-mêmes. Ouais. Il aurait pu juste dire riche. Aussi, écoute, hein, une richesse relative, un million, ouais, ça, c'est bon, exactement. Comme assez concret. Donc, le livre a été écrit par David Descoteaux, qui est un journaliste financier, et par Yann Sénécal, qui, lui, est un expert du monde de la finance. Ça fait quelques années déjà qu'il travaille dans différents bureaux financiers. Mais il y a des milliers de Québécois qui ont un besoin urgent de sortir de l'endettement chronique. Et c'est ça que j'ai aimé, du moins, de ce livre-là jusqu'à présent, c'est que c'est un livre québécois. Donc, il est vraiment dans ce mode de vie-là où on est au Québec. C'est complètement différent des États-Unis. C'est pas la même chose que l'Europe. Et on se doit un petit peu d'accumuler des économies pour notre retraite, le fameux REER qu'on connaît tous. Des bonnes nouvelles, on peut y arriver, peu importe notre âge ou notre salaire, mais on va devoir y mettre les efforts. Donc, dans ce livre-là, on va apprendre, entre autres, comment éviter de façon légale de payer beaucoup d'impôts, comment assainir nos finances en s'imposant le protocole d'austérité, parce que souvent, c'est ça qu'on manque un petit peu, quoi faire dans l'ordre si on veut fonder une famille, comment s'enrichir grâce au plus gros cadeau du gouvernement qui est le REE. Et non pas le REER. Oui, l'autre, c'est son ami. Exactement. Ouais. Les bases de la négociation et comment gérer soi-même nos placements et comment utiliser intelligemment le REER et le CELI et de se faire une espèce de pied de nez aux fiscalités. Donc, ce sont des actions qui sont concrètes, c'est facile à mettre en application et c'est à la portée de tous. Donc, ce livre-là, c'est un petit peu vraiment comme un outil. C'est un peu comme une Bible et c'est un peu aussi comme un dictionnaire parce qu'on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous expliquer comment le mettre en action. Et on ne va pas vous laisser tout seul. Vous allez toujours l'avoir comme référence. Donc, le but, c'est d'offrir un guide agréable à lire, mais qui couvre vraiment l'ensemble des besoins de base des Québécois, même si on est destiné avant tout, par exemple, aux néophytes, aux connaisseurs. Bien, on va trouver... trouver plusieurs idées originales qui sont très bien faites, qui sont très bien illustrées et qui sont très bien vulgarisées. Et c'est là que j'ai aimé lire la moitié du livre en pleine librairie. C'est que c'est tellement bien vulgarisé que tu as l'impression qu'on parle clairement à toi dans ta propre situation financière et que tu peux justement t'y relier assez rapidement et de devoir te dire « Bon, ben, sors d'ici, je mets en application tout ce qu'il y a dans ce livre-là. » Encore une fois, vingtaine de dollars, pas trop dispendieux. Un bon guide, je vous dirais. Je l'ai pas acheté, mais j'ai vraiment hésité longtemps entre acheter lui et en acheter. Ben oui, c'est sûr et certain. Et c'est un livre qui fait beaucoup parler au Québec depuis quelques mois parce qu'on améliore vraiment notre santé financière avec ce livre-là. On a entendu parler beaucoup du livre de Pierre-Yves McSwain. Ben oui. je l'ai feuilleté. T'as pas aimé ça? J'ai feuilleté beaucoup de pages. Je te dirais que pour le prix, j'ai l'impression qu'on me vendait le produit Pierre-Yves McSwain. Ah, pas vrai? J'ai pas besoin de savoir que Pierre-Yves McSwain aime RBC pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec mon argent. Ben c'est plus... je te dirais que, en tout cas, pour les pages que j'ai lues du livre de Pierre-Yves McSwain, c'est plus une constatation de notre situation financière que d'une aide à notre situation financière. Et on sait déjà qu'on a une situation financière. Exactement. Hein? Le livre s'appelle « En as-tu vraiment besoin? » Bien, à ce niveau-là, on te donne pas un guide comment bien gérer ton portefeuille. On te dit... Es-tu capable de bien gérer ton portefeuille? Est-ce que tu vas réaliser que tu gères mal ton portefeuille? Du moins, durant les 40 premières pages du livre, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai pas nécessairement aimé le ton hautain de Pierre-Yves McSwain dans le livre. Et c'est drôle parce que si j'écoute une entrevue de Pierre-Yves McSwain, si j'écoute Pierre-Yves McSwain parler de n'importe quelle situation, je trippe. Mm-hmm. Mais... j'ai pas trippé sur le livre. Dommage. Pas, donc, pas le sur livre, les premières pages, en tout cas. Exactement. Donc, j'ai pas besoin du livre, mais celui que je viens de vous présenter, « D'endetter à millionnaire », c'est surtout aussi le fait que ça parlait du plan bon pour les milléniaux. Veux pas, on est dans cette tranche d'âge-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une différence avec la génération précédente. Donc, c'est peut-être ça qui m'a attiré beaucoup. Mais la vulgarisation derrière ça et le fait que les deux auteurs sont quand même assez jeunes, début trentaine maximum, voire même fin vingtaine, eh bien, ça l'a vraiment attiré quelque chose chez moi au point où je voulais en savoir beaucoup plus. Donc, c'est sûr et certain, je vais aller acheter ce livre-là par la suite. Est-ce que tu veux nous mettre les noms des livres sur, sur assemblagerequis.com? Ben, tout à fait. Par la suite, le dernier que je veux vous présenter, eh bien, on a parlé d'immobilier un petit peu, vraiment très vaguement avec Philippe la semaine dernière. Philippe Fournier, jeudi matin, Philippe Fournier, exactement. Oui. On s'est posé la question, est-ce que c'est encore une bonne chose d'investir en immobilier? Eh bien, je suis tombée sur le livre « Se lancer dans l'achat d'un plex » en 10 étapes pour choisir la bonne... c'est parce que l'image est tout petite, là. Je vais... pour choisir la bonne propriété et faire de l'argent avec l'argent des autres. Oh. Parce que rappelons-nous que c'est un petit peu l'idée aussi qu'on avait derrière une bonne finance personnelle. Ouais. C'est de réaliser qu'on peut avoir quelques trucs qui vont nous amener de l'argent avec l'argent des autres. Profiter entre du autres. Système. Exactement. Comment profiter bien du système? Eh bien, l'achat d'un plex répond exactement aux experts en immobilier. Ça répond aussi à vos petites interrogations par rapport à tout ça. Le marché fournit quand même de belles occasions aux acheteurs, mais il faut se poser la question. C'est quand même crucial de choisir la bonne propriété pour bénéficier d'un investissement qui va être rentable plutôt que de se trouver avec une dépense. On s'entend, on veut pas acheter un immeuble qui va nous amener beaucoup plus de dépenses que de revenus. C'est pas ça qu'on cherche. Donc, on propose un plan d'achat en 10 étapes et l'auteur va répondre à toutes les questions qui se posent chez les acheteurs, comme par exemple comment constituer une mise de fonds sans mettre son REER en péril, parce que c'est la première question qu'on se pose tous. Quel juste prix payer? Parce que là aussi, souvent, tout dépendant de où on est au Québec, les prix sont différents. Quoi surveiller durant la visite? Parce qu'évidemment, on veut visiter l'immeuble avant de l'acheter, s'il vous plaît. Comment conclure la transaction? Comment s'assurer des locataires qui vont être fiables, mais qui vont être fidèles aussi? Les calculs sont à l'appui. On va expliquer de façon quand même assez utile et accessible tout ce qu'il faut savoir pour mettre la main sur une vraie bonne affaire et justement faire fructifier son investissement. Donc, on va essayer d'améliorer notre dossier de crédit jusqu'au calcul des augmentations de loyer, en passant par la réduction des impôts, la gestion des locataires. Se lancer dans l'achat d'un plex, ça couvre quand même certaines préoccupations là, pour les futurs propriétaires. Donc, il faut prendre dès maintenant les clés de l'indépendance financière et ce livre-là, ça joint vraiment les deux bouts. Donc, si tu as déjà une certaine complication du côté de la finance, eh bien, on va t'expliquer comment tu vas pouvoir arriver un certain jour à t'acheter un plex dans ta situation financière et dans tes projets de vie, tout simplement. Encore une fois, une vingtaine de dollars. On joue aux alentours de 23 comparativement aux autres livres qui étaient un petit peu plus bas que 20 dollars ou 20 dollars direct. Mais c'est un livre qui peut aussi s'avérer être une belle bible pour ceux qui veulent investir dans le monde de l'immobilier ou qui s'intéressent tout simplement à l'immobilier. Cela a été écrit par Patrick Denoncourt, très bien écrit et très bien vulgarisé, encore une fois. C'est génial, tout ça. J'espère que tu vas être heureuse d'avoir acheté ces livres-là et que tu vas pouvoir avoir l'argent qu'il te faut pour acheter les autres. Merci. Ça commence par un. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Bref, merci Tania Baudin. Ça fait plaisir. Prochaine fois, voiture électrique? Demain, oui. Demain? Ouais. Tania is gonna entertain you. Étant donné qu'on a parlé d'argent, habituellement, je fais tout le temps jouer la même chanson après, c'est Dead Obies avec Money, mais je la fais pas jouer, je veux changer un petit peu. Mais celle-là aussi, je l'ai fait jouer déjà, c'est Gord Downie avec Love Over Money tout de suite à Assemblage Rocky. Beaucoup j'en veux plein. Mets la monnaie dans ma main. Money, money, money, money. Last year, j'avais pas assez de money pour un club sandwich, mais c'est pas ce buddy. Star le reste, va me voir, put up in fact. Pour ça, je suis mieux de voir le money. Count money like a motherfucker. Sit shift dans mes conversations. Money maker comme my mama muffin. Sit and Dion, girl, I'm coming at you. Free boys on the lease boards, we keep going all night. Plus on reach, growing all right. With me fiends go so wild. Everybody buy the cake, come blah blah blah. Pile the best, cause there ain't a pile. No, we stack motor, that cash money. That rex, rex, rex, rex, rex, rex. Sorry, baby, I'm in Rome. I got in charge of my phone. I got a criminal record, so I'm doing life on the road. Rolling dice on the tour bus with a bunch of tourists from Europe. Got that right, I'ma paint it black, and that paint back is in Europe. Looking back at my Europe, you can tell I was made for me. Yeah, boy, I'm a playboy since day one, I don't play, homie. Holy moly, that's a lot of money. Total money, that's my only money. Young Dunny on the coast, side ring, all white nigga, out of motor. Man, that money on my man. Yeah. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Mets le moulin dans ma main, mets le money dans le vin, mets la boudin dans le feu. C'est un party, c'est une teuf. Mets le dédo dans le club, mets le Benfi dans le club. J'ai mon chant à show coke, mon deuxième nom sur mon corps. C'est quoi les bites, c'est quoi les does? Pourquoi tu talks, j'suis quoi tu noies? J'suis la prise, j'suis la plug. 220 vols, le sang va vol. C'est quelqu'un touche à mes boys, c'est quelqu'un touche à mes girls. Sont mieux d'être bout. On a toutes nos histoires, on a toutes nos blesses, on a toutes nos battles. J'en blesse. Mets la money dans ma main, mets la money, mets la moule. Mets la money, mets la moule. Mets en plein, mets en plein. Mets la money dans ma main, mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main, mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main, mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main, mets la money dans ma main. Mets la money dans ma main. J'en veux plein, mets la monnaie dans ma main. Money, money, money, money. J'tole them all, yeah, tell them all, yeah, word of mouth, you heard about it. Serve them all, yeah, show the money, yeah, sure enough, we'll talk about it. Thought about it. Onky's bout it. All my money, more brocadabra. Extra bacon on carbonara. Drop the mago now, disappearing. Don't count the monks, come down the battle. When you bought the pigs, bust about it. I think I'm born to be called a sauna. Yeah, book someone else, doesn't matter. Yeah, boy, someone else spent on mana. Cause my weed is so loud. Hey. My show's so loud. Don't get me if I saw a lie. See the dough, it right, then baby, hola, hola. What I want is just a hola, hola. Mucho, mucho dola. It's a red rum with cola. Hey. Go on, any further. Think I'ma drink up a third one. Think I'm in love with the third one. Think I'ma lay up a third one. C'est Andy de garder les doigts super sticky pour compter la palette. Chill in the back of the Panamera, j'ai la parle de menace sur la mallet. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Hein, tu vois, j'étais pas capable de pas jouer. Dead Obies avec Money, j'avais dit que je la ferais money, pas jouer, money, mais j'ai fait money, jouer. Money. Et avant ça, c'était Gordani avec Love Over Money. Petit bloc financier, hein, pas le choix. Ouais. On peut pas résister à ça. Mais non, fait tellement partie de notre vie. Non, c'est pour ça qu'il aurait fallu que je les fasse pas jouer pour aller avec le manque. Donc. Ouais, c'est ça, exactement. Au retour, après le crime, restez là. Aujourd'hui. C'est la dernière demi-heure exactement de son lavrequis en ce lundi 9 avril 2018 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on est seul aujourd'hui. Ben hein? Ouais. On l'a dit mille fois, mais c'est de même. C'est comme ça. Ce qui veut dire, par contre, qu'on a plein de chroniques maison. Temps de faire du contenu qu'on fait pas habituellement. Hein? Tout à fait. Donc, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait cette chronique-là, probablement genre, je dirais, un mois. Donc, voici Après le crime. Après le crime, c'est la chronique où les gens font les choses répréhensibles. Et on commence avec une femme qui aurait mis son ex-copain en feu. Hein? Lors d'un souper de Pâques. Mais voyons. La police de Altamonte Springs en Floride dit que la femme a invité son ex-copain pour un souper de Pâques, seulement pour le mettre en feu dans la salle de bain. C'est un petit peu agressif. Ouais. Siobhan Perez, qui aurait présumément invité la victime à souper et lui a demandé d'aller réparer un tuyau qui coulait dans sa salle de bain à elle, pendant qu'il était sur le plancher en train de regarder la plomberie, selon le rapport d'arrestation, elle s'est rendue jusqu'à lui avec évidemment du gaz dans la main. lorsqu'il a demandé ce qu'il y avait dans le réceptacle, Perez lui a dit que c'était du gaz et elle a dit « Tu vas payer ». Wow. Donc, elle lui a envoyé ça d'en face avant de le mettre en feu. C'est incroyable. Hey, hein? Gère tes émotions, fille. Apparemment, qu'il ne savait pas ce qui se passait avant de regarder par en bas et de voir qu'il était en feu. Perez aurait ensuite versé du liquide à briquet, à lighter, sur le tapis de son salon à elle. L'aurait mis en feu et aurait essayé de barrer la porte. Pendant ce temps, l'homme, qui n'a pas été identifié par la police, aurait essayé d'enlever ses vêtements en feu. Éventuellement, il est sorti. Il a souffert de brûlures sur la poitrine, au visage, dans le cou, sur la main et sur le bras. Il a reçu de l'attention médicale à un hôpital local. L'homme a dit à la police que lorsqu'il était à l'appartement, il a remarqué que les fenêtres avaient été placardées. Il trouvait ça étrange. Et il dit que Perez lui a dit que c'était pour bloquer la lumière, pour pas qu'il y ait trop de lumière qui entre. C'est suspect, hein? Les pompiers ont répondu à l'appel à l'appartement, mais pas avant que Perez soit retourné à l'intérieur de l'appartement pour sauver son chien qui était toujours dans l'appartement. Elle n'a pas pensé à tout, hein? Elle a souffert de problèmes à cause de la fumée et on l'a amené au même hôpital où elle était intubée et autres trucs comme ça. Perez est maintenant accusé, bien sûr, de tentative d'homicide. Mmh. Hein? D'avoir mis le feu qui a causé aussi une blessure. C'est incroyable comme histoire. Ben oui. Incroyable. Ensuite, une mère de l'Arizona qui aurait utilisé un taser pour amener son fils à l'église. Ça se passe aussi à Pâques. C'était le dimanche de Pâques. Une femme de 40 ans de Phoenix, en Arizona, est accusée donc d'avoir mis la vie de son enfant en danger pour avoir utilisé un taser sur son fils de 16 ans qui apparemment ne voulait pas se lever à temps pour aller à l'église dimanche de Pâques. OK. Hein, c'est une façon comme une autre de sortir un enfant du lit. Sharon Dobbins nie avoir utilisé un taser, mais a dit à la police qu'elle a fait un clic du taser pour que l'enfant se lève. Donc, dans le fond, elle a nié avoir utilisé le taser sur son fils, mais elle a avoué avoir utilisé le taser dans les airs comme pour faire un buzz. Mm-hmm. Donc, ça fait le bruit avec le taser, mais elle n'a pas tasé son fils, dit-elle. Elle aurait dit aussi « Get up, it's Jesus' day. Lève-toi, c'est le jour de Jésus. » Les témoins, entre autres son fils de 17 ans et son neveu de 18 ans, ont indiqué le contraire. Donc, Dobbins a dit que ses deux fils étaient en probation et que le fils qu'elle aurait présumément abusé portait un bracelet à la cheville, donc un bracelet de surveillance électronique. Hein, qu'on met des fois quand on a commis présumément un crime. Ben oui. Bref, son fils a dit « Maman, je vais appeler la police. » Et là, la mère aurait dit « Tu peux appeler la police, UPS ou n'importe quel autre acronyme. » Elle dit UPS comme dans le service postal. Elle a aussi dit DPS comme dans le service de protection des enfants. Elle dit que ça ne dérangeait pas. Tu peux appeler n'importe qui. DPS, UPS, whatever. Dobbins devrait l'avoir le 20 avril. Et pendant ce temps-là, elle et son fils vont devoir vivre séparément. Mm-hmm. Continuons avec une directrice d'école arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec un étudiant après que son tatou ait été vu dans une vidéo sextape. Ah. C'est la directrice d'une école de l'Ohio qui est accusée au niveau criminel. Oui, après qu'on ait vu une sextape circuler qui montrait elle en train d'agir de façon sexuelle, donc acte sexuel avec un enfant de 17 ans. Hein? Ah. Selon le New York Post, c'est Courtney Alfred qui a 39 ans, a été arrêtée après que la police ait été appelée par la victime présumée. Les autorités disent que l'étudiant qui était en éducation alternative possédait une vidéo de leur aventure sexuelle avec un détail très clé qui allait identifier la suspect. Il disait donc avoir pris cette vidéo-là et qu'on voyait un tatou à l'intérieur. Après avoir obtenu un permis d'arrestation, un mandat d'arrestation pour voir la place en question sur son corps, la police dit avoir réussi à matcher en effet le tatou avec celui dans la vidéo. Et selon le rapport de la police, l'adolescent a dit que lui et Alfred ont commencé à faire des choses intimes il y a plus d'un an et que la relation avait duré plusieurs mois. En plus d'une relation sexuelle, évidemment, incorrecte, la police dit que la directrice a envoyé plusieurs messages textes à l'étudiant et l'aurait payé aussi pour essayer de garder la relation secrète envers son mari à elle. On a donc partagé tous ces détails-là dans les médias. Et puis, Alfred est apparu en cour où elle a plaidé non coupable. Elle a été relâchée après avoir payé les 25 000 $ de caution pour sortir de prison, avec la promesse, bien sûr, de comparaître devant la cour. Education Alternatives n'a pas donné de communiqué ou de commentaire là-dessus, mais la police indique que l'école a fait une enquête à l'interne et n'a pas trouvé de preuves que la directrice avait agi de façon inappropriée. Construit avec une mère qui se filme elle-même en forçant son adolescente à boire de l'alcool comme punition après avoir bu. Hein? Ouais, c'est une mère du Kentucky qui est accusée au niveau criminel pour avoir présumément forcé sa fille de 14 ans à boire beaucoup, beaucoup d'alcool. Selon WKYT, c'est Miranda Polston, 34 ans, qui a attrapé, donc qui a vu sa fille en train de boire de l'alcool le 10 mars dernier et a décidé de filmer sa punition. Donc la police de Somerset dit que la vidéo montre la fille en train d'être tenue contre son gré dans une chaise alors que quelqu'un lui fournit de l'alcool à travers la gorge. Wow. La victime se fait, on l'entend en fait faire de drôles de bruit avant de tomber face première sur le plancher. Les gens dans la vidéo rient évidemment en réponse à ça, parce que c'est des gens qui n'ont pas de classe. La station dit que Polston pourrait passer à la télé et recevoir $1 million si elle continuait de boire, j'imagine en ayant une vidéo virale. Ben oui, j'imagine. Le capitaine de la police de Somerset, Mike Correll, a dit au Lexington Herald Leader qu'ils ont reçu un tuyau par rapport à cet événement-là. La police a enquêté et finalement, ils ont réussi à obtenir la vidéo. Polston aurait dit à la police qu'elle voulait enseigner une leçon à sa fille, une leçon disant que l'alcool, c'est une mauvaise chose pour elle. Hein, évidemment, le feu par le feu. Ben oui. Comme on a dit. Comme on dit souvent. Donc, à ce moment-là, on dit qu'elle avait violé sa probation sur une accusation qui n'était pas reliée à tout ça. Donc, bref, ça pourrait lui causer pas mal de troubles. Elle a été arrêtée et une accusation au premier degré d'abus criminel. Voilà. Elle dit qu'elle prévoit se battre contre ces accusations-là et elle croit qu'on l'a montré sous un mauvais jour. Ben oui. Dans les médias. Ensuite, un homme de l'Alabama qui a demandé à sa copine de punir son fils autiste parce qu'il pensait qu'il était gay. Ben son voyons, fils. C'est Sean Cole et Kadia Moore qui ont été trouvés coupables de crimes horribles ayant un rapport avec le fils autiste de 11 ans de Cole qui aurait performé des actes sexuels sur Moore qui est la dame et c'est la mère, hein, j'avais bien dit tantôt, non sa copine, pardon, c'est sa copine. Ouais. Donc l'homme de 29 ans voyait en son fils il a vu son fils dans une position compromettante avec un autre garçon et croyant ou ayant peur que son fils était gay l'a forcé à performer des actes sexuels sur Moore qui est la copine du gars en tant que tel, Cole, l'adulte, pendant que les garçons visitaient pour la fête de Thanksgiving en 2016. Les deux donc pourraient aller en prison pour la vie. Leur sentence va être le 24 mai. Moore a été trouvé coupable d'avoir violé et sodomisé l'enfant de Cole et Cole a été trouvé coupable de l'avoir forcé à performer des actes sexuels sur la dame. Donc le procureur a dit que Cole essayait de le remettre sur le droit chemin. C'est ce qu'il a dit. C'est ça, le reste des détails. Bon, il n'y a pas grand-chose de très important là-dedans. Mais le garçon a maintenant 13 ans et a dit à la police, bizarrement, qu'il se blâmait lui-même pour avoir désobéi à son père. Oh. C'est pas cool du tout, ça, comme éducation. Non, non, non. Justement, parlant de fils autiste, dans ce cas-ci, c'est une femme, une mère, qui a mis la scie au cou de son fils autiste, disant qu'il devait mourir avant de devenir un fardeau pour la société. Ah, ben voyons c'est donc. C'est assez majeur, ça. Hein? Donc, c'est une mère du Maryland qui était surpassée par le fait qu'elle devait élever deux enfants autistes. Elle aurait dit à l'équipe de l'hôpital qu'elle avait essayé de tuer ses enfants de nouveau. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital avec son fils blessé de 11 ans. Le Miami Herald dit que Christina Petrie, 46 ans, est arrivée au centre médical Olney le 12 mars dernier après avoir attaqué son fils avec une scie. Les autorités disent que la suspecte était armée donc d'une scie lorsqu'elle a approché le garçon pour savoir pourquoi il n'avait pas complété ses devoirs. Et à partir de là, on dit que Petrie aurait mis les dents de l'arme, les dents de la scie, contre le cou de son fils, le bougeant un petit peu d'en avant en arrière jusqu'à ce que ça fasse des coupures, des lacérations sur son cou. Ces blessures n'étaient pas sévères, mais les autorités disent que le mari du suspect a amené le garçon et sa femme à lui à l'hôpital. Et selon l'avocat de la mère, elle n'avait aucune intention de blesser son fils. Évidemment, une scie, tu sais. Mm-hmm. Ça pourrait être complètement normal. Ben oui, franchement. Tu ne prévois pas faire de blessure quand même. C'est ça. Voyons donc. Voyons donc. Petrie a été arrêté pour tentative de... Oh, attends un peu. Non, c'est OK. C'est un autre paragraphe qui dit que Petrie, depuis cet événement-là, a été arrêté pour tentative de meurtre au premier degré, suspicion de ça, ainsi que d'avoir abusé de son enfant, et sa date en cours va être le 20 avril prochain. Et, hein? Et oui. Continuons avec deux garçons de 12 et de 14 ans qui ont essayé de voler une voiture de livraison de Domino's, mais n'ont pas réussi à partir avec parce qu'ils ne savaient pas comment conduire manuel. Les autorités de la Floride ont arrêté deux garçons qui ont essayé de voler une voiture, oui, après que les suspects n'aient pas été capables de l'opérer, étant donné qu'elle était manuelle. Selon Fox News, c'est Rogelio Sebastian, 14 ans, et Miguel Garcia, 12 ans, qui donc voulaient voler un véhicule de livraison de pizza récemment. L'employé de Domino's a dit à la police que les résidents ont ouvert la porte lorsqu'il était arrivé pour livrer une pizza. Et ils ont le résident a ouvert la porte, c'est mm-hmm. ça? Et à ce moment-là, il a entendu un bruit près de la voiture. Il a regardé derrière lui pour voir les deux personnes qui étaient en train d'essayer de s'enfuir. Les officiers ont vu les deux garçons. Et puis Ortiz, c'est le livreur, les a identifiés. Et puis ils ont été arrêtés pour possession d'outils qui pourraient être utilisés pour commettre un vol, ainsi que suspicion de vol d'auto. Mm-hmm. Et puis on dit qu'il y a des articles qui ont été trouvés dans la voiture de Garcia qui ont mené une accusation pour utilisation de drogue, apparemment. Oh, c'est okay. ce que je comprends bien. Ouais. Bref, voilà pour cette nouvelle-là. Ensuite, on a une famille qui est outrée après qu'un homme soit entré dans leur maison et ait poignardé un jeune garçon 20 fois dans le cou. Ah ben voyons, donc, bien agressif. Ouais, et il est trouvé non coupable pour raison insanity, comme on dit, de problème mental. Donc c'est une famille du Kentucky qui est dévastée. Un homme a tué un garçon de 6 ans et puis a aussi violenté d'autres membres de la famille. Il a été trouvé non coupable, comme je disais, c'est selon le Indy Star qui nous dit qu'un jury de Lexington a conclu que Ronald Exantis était non coupable dans cette mort-là de Logan Tipton, un garçon qui a perdu sa vie après qu'il soit entré par infraction l'adulte dans la maison du jeune garçon et qu'il l'a poignardé après. Selon les documents de la cour, apparemment qu'il était en psychose en décembre 2015 lorsqu'il est entré dans son véhicule, s'est en allé jusqu'à Indiana à Versailles dans le Kentucky. Il a choisi ensuite la résidence des Tipton et est entré par infraction, a trouvé un gros couteau de cuisine et a commencé à poignarder le petit Logan. Sa sœur Coral est a sauté sur Exantis pour essayer de sauver son frère, mais elle a été blessée sévèrement avec des plaies. Ah, okay. Des plaies ouais. de poignardage ouais. dans son estomac et sur le bout de son nez. Voilà. Oh boy. L'autre sœur de Logan, Dakota, a aussi été poignardée dans le cou cette fois-ci. Et l'aventure s'est terminée lorsque le père de Logan, Dean Tipton, a attaqué, fait un tackle sur Exantis pour le mettre au sol et le tenir jusqu'à ce que la police arrive. Donc quand même, bravo à ces héros-là, mais ça a quand même pas sauvé la vie de Logan. C'est bien malheureux. Apparemment qu'il a souffert de gros problèmes mentaux, la personne non criminellement responsable dans ce cas-ci. Et puis il a été admis à un centre de correction psychiatrique après son arrestation. Il a dit au psychiatre qu'il avait entendu qu'il avait entendu certains ouais, apparemment qu'il criait comme un, il jappait comme un chien. OK. Il a essayé de s'enlever les cheveux, donc apparemment que le gars était pas très bien dans la tête du tout. Ensuite, parlons d'un juge qui aurait admis être entré justement par infraction chez un voisin et d'avoir volé des sous-vêtements féminins. Okay. C'est un juge de l'État de New York qui serait entré plusieurs fois dans la maison de ses voisins, de sa voisine en fait, pour voler des sous-vêtements selon le New York Post. C'est le juge Robert Sicale, 49 ans de Long Island, qui se serait donc confessé à ce crime-là, disant qu'il avait des pulsions, si on veut, d'aller chercher des sous-vêtements féminins. Il a admis aux enquêteurs que plusieurs fois, il est entré chez la femme sans sa permission, est entré dans la chambre à coucher en haut et passé dans son panier à linge pour voler ses sous-vêtements. La victime a 23 ans. Elle a été stagiaire au bureau de l'avocat de Islip Town, donc Islip Town Attorney's Office, lorsque Sicar était l'attorney de la ville. Donc, ils ont travaillé ensemble. Sicar, qui est maintenant le juge du district Suffolk County District Court Judge, ouais, vit de l'autre côté de la rue, apparemment, de cette victime-là. Sicar a été... pas appréhendé, mais attrapé en train d'entrer dans la maison vers les 9h du matin, alors que la victime dormait. Elle dit qu'elle s'est réveillée, la victime, et il y avait un homme qui était debout devant elle. La victime a donc appelé sa mère, qui a composé le 911 pendant que Sicali s'enfuyait. Les officiers ont trouvé le juge en train de marcher et de se promener jusqu'à une autre maison, donc ils ont réussi à l'arrêter là, selon le journal. Sicali, qui est père de 3 enfants, a été retrouvé avec plusieurs paires de sous-vêtements féminins dans la poche de son manteau et plusieurs autres sous-vêtements féminins dans un autre manteau qu'il avait dans ses mains. Donc, il était vraiment bien équipé. Il a été accusé d'entrer par infraction. Il a plaidé non coupable et a été relâché avec caution, bien sûr. Le juge, comme je disais, ressentait des pulsions, mais il dit que depuis ces actes-là, il a écrit une lettre d'excuse à la victime. Mais en même temps, ça change pas grand-chose. C'est ça, hein? C'est ça. Il y a plein d'autres détails dans les articles si ça vous intéresse. Ensuite, parlant de gens corrompus, ou en tout cas de gens qui sont supposés être la loi, mais qui eux-mêmes enfreignent la loi, on a un ancien policier qui aurait posté de la porno-vengeance, comment on appelle ça, revenge porn, de son ex-copine. Il aurait aussi saboté sa voiture en mettant du sucre dans l'endroit où tu mets du gaz. Steven, dans son réservoir. Steven D. Maggie, qui travaillait pour le département policier de Houston, donc est accusé maintenant d'avoir espionné son ex-copine. Il a été arrêté 2 fois dans le mois de mars après que les autorités aient dit qu'il avait continué son harcèlement, selon The Houston Chronicle. Les problèmes datent de la fin de l'année passée, selon le département policier de Webster. Le 18 décembre, Maggie aurait surveillé le numéro de téléphone, le téléphone de son ex-copine. Il aurait traqué tout ça jusqu'à un certain appartement. Il aurait menacé son nouvel amoureux. Ça a continué en février où il se serait connecté à son compte Apple. Et puis, il aurait trouvé son appartement en utilisant les coordonnées du GPS. Son comportement, entre autres, c'était de cogner à la porte, de faire partir les alarmes de voiture dans le complexe où elle vit. L'ex a dit à la police qu'elle croyait que Maggie était responsable pour le vandalisme sur sa voiture. Elle a découvert une bosse dans son véhicule et un pneu qui avait été, dégonflé. Ouais. Et selon elle, un mécanicien lui a dit que sa voiture avait été endommagée parce qu'il y avait eu du sucre dans le réservoir. Bon. Donc tout ça, ce serait en lien avec, encore une fois, son ex. Maggie est aussi accusée d'avoir posté des photos nues de la femme sur la page Facebook d'une boîte de nuit et d'avoir tagué la femme pour que ses amis Facebook voient ces photos-là. C'est si intense, hein? Maggie qui a été arrêté pour son talent de stalking le 22 mars dernier, mais il a payé sa caution et il a été arrêté ensuite le jeudi suivant pour avoir violé l'avis de protection contre la femme. La femme a évidemment demandé un avis de protection. Mm-hmm. Et puis il fait face à 2 chefs d'accusation en ce moment. Un chef d'accusation pour s'être enfui lorsqu'il a été arrêté. Donc quand même pas mal intense ce cas-là, je trouve, pour Steven D. Maggie. Ensuite, un expert en backgammon qui prévoyait tuer sa mère alors qu'il était déguisé en tant qu'homme noir. Ben voyons donc. C'est quoi tout ça? C'est un homme de New York qui est un expert en backgammon, Roderick Covlin, qui fait face à un procès pour le meurtre en 2009 de sa femme Shelley Danishevsky-Covlin. Et le procureur veut amener comme preuve ses comportements bizarres. Le défendant de 44 ans voulait tuer ses parents apparemment après une dispute par rapport à la garde des enfants. Et il a inventé une série de scénarios absurdes selon le New York Daily News. Elle a été trouvée morte, Shelley Covlin, le soir du Nouvel An, donc la veille du jour de l'an. Le jour avant, qu'elle retire son mari de son testament, selon le procureur. Les enquêteurs éventuellement ont arrêté Roderick Covlin en 2015, le liant à une mort par étranglement. Les procureurs ont montré comme preuve que Shelley avait dit à d'autres qu'il avait menacé de la tuer à plusieurs occasions. Voilà la femme en tant que... Ça joue rough, pas mal. Apparemment que Govlin avait des problèmes légaux. Un juge l'a retiré du testament de quelqu'un d'autre en 2011. Il s'est aussi battu avec ses parents pour avoir la garde de ses enfants avec Shelley. Et puis les choses étaient devenues tellement hostiles qu'il avait prévu tuer ses parents pendant une panne de courant qui a été causée par l'ouragan Sandy à l'automne 2012. Il a pensé à mettre du poison à rat dans le sucre de ses parents. Ah, oh, wow! Ben wow. Rien de moins. Wow! Bref, il y a plein d'autres trucs comme ça qui se sont passés pour nos amis des Covlin. Vous pouvez aller voir l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, On va parler d'un homme qui est mort, en fait, après avoir été poignardé. Oh. Il a appelé un taxi pour se rendre à l'hôpital, mais il est arrivé trop tard. Oh non! Les autorités disent qu'à New York, un homme de 41 ans avait été poignardé à l'extérieur d'un club de karaoké. C'était un samedi matin. La victime, qui n'a pas été nommée à l'origine, a appelé un taxi à Brooklyn pour se rendre à l'hôpital, mais il a été prononcé mort à son arrivée, selon le New York Daily News. La police indique que l'incident a eu lieu vers les 4 heures du matin. Ça aurait eu lieu à l'extérieur du Go One Sushi Inc. Et la victime dit avoir été poignardé plusieurs fois dans la poitrine. Pas dit parce qu'il est mort. Ouais, c'est ça. Aurait été, tu sais, quand même. Constatation, chose évidente. Pendant une bagarre à l'extérieur de cette entreprise-là, et après avoir attiré l'attention du chauffeur de taxi, les autorités disent qu'il a fait environ 1 000 de distance jusqu'au centre médical Maimonides. Ben voyons, non. Ouais, et les professionnels en médecine à l'hôpital voulaient sauver sa vie, bien sûr, mais n'ont pas réussi. Et la police n'a pas encore réussi à arrêter la personne qui aurait commis ce crime. J'ai envie d'arrêter là aujourd'hui, pour après le crime. Les liens sont sur assemblagerequis.com, bien sûr. Avant de se quitter, Tania, on a le temps pour une dernière chanson. Certainement. Et moi, ça me tente vraiment beaucoup. Là. J'ai comme vraiment une envie extrême d'aller entendre du Papa Groove. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Quelle bonne idée, ça fait longtemps. Voici All of Us tout de suite. Assemblage Requis! On vient se dire au revoir juste après. How did we get so rude? Why can't we stop now playing the fool? Let's bring it down today and leave our superstitions real far away. We want it no more the feeling of being caught in a race. We want it all on the same boat, the conflicts at bay. Troublemakers real far away. you've got is everything they're taking. Everything you've got is everything they're taking. This is your space, this is the best place, this is yours. But they won't let you stay. Everything you've got is everything they're taking. Everything you've got is everything they're taking. This is your space, this is the best place, this is yours. Everything you've got is everything they won't let you stay. Everything you've got. Massive Intentions par The Spook School. Assemblage requis. C'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Ah, merci à aucun chroniqueur aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi, Tania Bonnet. Demain, l'émission Marc-Olivier Dumas à 8h pour sa chronique sport et filoché. Ensuite, à 8h30, Dominique Nodemavungu pour Voix d'Afrique. Et à 9h, Jimmy Thibodeau sera là pour Gauche à Arbévue. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, reprise de C'est dans ta face, reprise rock classique et en direct rock de neurones, cif.ca, assemblagerocky.com. Et on se retrouve demain 7h. Bye bye. Hey, bon café tout le monde. Bonne journée. Là. Dorénavant, il reste 11 émissions. Bye. Ouh, bye.